Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre émission vous parlant de jeux en ce bon mercredi soir 16 juillet. Bonjour à vous, gens de Lévis, gens de Québec, gens de la grande région. Mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Et je suis bien évidemment accompagné de monsieur Andrew Castegan. Salut Andrew. Bonjour monsieur Michaud. Ça va bien? Ça va très bien. Il fait chaud dans les studios aujourd'hui. Ouais, quand même. Mais on a déjà vécu pire. Oui, ça a déjà été pire. Maintenant, mais il faut dire aussi que le ventilateur n'est pas allumé. Ça pourrait peut-être nous aider. Ben, on va allumer on ça tantôt. On fera ça pendant la musique. Et mesdames et messieurs, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter tous nos anciens podcasts, tous les reportages et autres. Oui, vas-y. Ça me fait penser, il y a un élément de plus, il va falloir que tu ajoutes dans ton discours d'ouverture, M. Michaud. Ben oui, mesdames et messieurs, vous pouvez aller vous chercher des wallpapers cellulaires maintenant, c'est ça? Non, ben il y a ça. Il y a ça. La deuxième chose, c'est que le monde peut nous écrire en studio. Tout à fait, oui. Est-ce que tu as l'adresse sous la main, studio M. Castegan? Studio à commercial 969fm.ca. Voilà, donc si ça vous tente de nous écrire pendant qu'on est là en studio, vous pouvez passer par cette adresse-là ou passer... Par la page Facebook. Par la page Facebook, merci. De Puissance Maximale, suffit d'appuyer sur le bouton « J'aime » parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir nous envoyer des messages pour nous parler pendant qu'on est en onde, mais aussi participer aux nombreux concours de Puissance Maximale, entre autres celui avec Pink Vivi, vous pouvez gagner des goodies, et aussi avec les gens du Pub La Revanche, vous allez pouvoir gagner des laissez-passer avec nous. Et là, pour celui de cette semaine, non pas un, pas deux, mais quatre laissez-passer que vous pourrez gagner pour le Pub La Revanche cette semaine si vous participez. C'est pas très compliqué, suffit en fait de partager la photo du Pub La Revanche ou de Pink Vivi et d'aimer les deux pages. C'est tout ce que vous avez à faire et comme ça, vous êtes éligible au concours. À chaque semaine, vous avez la chance de gagner ces prix-là, mesdames et messieurs, en étant justement abonné à la page Facebook de Puissance Maximale. Et Andrew, cette semaine, on va parler de nouvelles ludiques principalement, mais on a aussi en studio présentement un invité, un YouTuber québécois qui fait plein d'autres choses on the side aussi, Monsieur Jog, alias Sylvain. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, merci. On va parler avec toi après la première pause musicale, mais en gros, on va dire accro des jeux et boîte de jeux vidéo. OK. On lance ça comme ça, on va revenir après la première chanson et on va... T'es juste un gamer qui a sa chaîne YouTube. Ben, évidemment. Donc, on va partir en chanson, mesdames et messieurs, comme le veut de la tradition à Puissance Maximale. Et on revient avec Jog tout de suite après. Et là, on va aller entendre une petite toune métal parce qu'il est 19h et là, vous venez de souper. C'est lourd. Là, vous m'endors un petit peu. On va vous réveiller avec ça. Ça s'appelle A Fire, Wind and Wisdom du groupe Helvetii. J'essaye de le prononcer, j'ai toujours de la misère. Helvetii, voilà. C'est lancé dans vos oreilles. À Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. 3, 4. Nous sommes les Chicken Swell et vous écoutez la puissance maximale avec Andrew! Et oui, de retour à puissance maximale après Élu Veitsi et A Fire, Wind and Wisdom. Comme vous avez vu dans vos oreilles, je vous l'avais dit que ça allait vous réveiller. Hein? Et là, on est avec M. Jug, de son vrai nom Sylvain, qui est avec nous pour parler, en fait, YouTube. Salut Sylvain, ça va bien? Ben oui, et toi? Ben oui, numéro un. Et là, Andrew me parle, on pourrait avoir Jug comme invité, YouTuber québécois, avec la gang des accros des jeux. Je vois pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Hein? Et là, j'ai fait pourquoi pas. Et là, en même pas? Temps, je vais en profiter. Il arrête pas de nous emprunter Julien, fait qu'on va emprunter Sylvain. Ah oui, ben c'est là, ça. C'est... c'est vrai, Julien, il passe aussi aux accros des jeux à l'occasion, surtout là, avec... Ben là, c'était pas le Geek Fest, là, ouais, mais... Ouais, c'est spécial. Non, non, c'est ça. C'est spécial, toi aussi. Et là, en fait, on te reçoit parce qu'on veut parler de ce que tu fais, entre autres, parce que là, il y a bien des gens qui te connaissent pour les accros des jeux, mais t'as ta propre chaîne YouTube également qui s'appelle Juste un Gamer, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent. Allez sur la page Facebook de Puissance Maximale, vous allez avoir ça sous les yeux. J'ai posté ça pendant la chanson. Vous allez voir la belle face de Sylvain, en gros, sur l'image sur Facebook, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne YouTube? Et en fait, tout commence en fait avec la question que tout le monde doit te poser. Pourquoi on commence une chaîne YouTube de jeux, de gaming? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Parce qu'on sait qu'il y en a tellement sur Internet. Au Québec, on en a de plus en plus. C'est le fun parce qu'on a vraiment des très intéressants au Québec, des trucs différents comme aussi. Comme Giz, là, que je trouve le fun avec ses pixel art. Là. Ben oui, mais qu'est-ce qui te pousse à te lancer là-dedans avec cette offre qui est, ma foi, de plus en plus importante sur Internet? Ouais, c'est une méchante bonne question, ça, parce que c'est même pas une question que je me suis posée quand j'ai commencé ma chaîne YouTube à l'époque. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça doit faire 3 ans. Là, okay. Je sais même plus, je sais même pas ce que j'ai mangé hier. Tu sais... Starter une chaîne YouTube, premièrement, faut que tu aies un intérêt pour quelque chose, ça te prend une passion pour quelque chose. À l'époque, j'avais pas de grosse collection de jeux vidéo, puis j'écoutais comme AVGN, puis ouais. The Guy with the Glasses. J'écoutais rien de francophone. En fait, je vais être plate, là, mais je connaissais pratiquement rien du YouTube québécois, mais je connaissais un point de vue américain, je connaissais plus ça. C'est ça qui m'a lancé sur la voie du YouTube. Faut dire que il n'y a pas si longtemps, tu parles de 3 ans dans ton cas, là, il y a 3 ans même, c'était pas très... ça ressortait pas beaucoup, là, le YouTube au Québec. Non, YouTube québécois. La France commençait à sortir. Ouais, c'est ça. Ans, là, avec Joueurs du Grenier. Mais ils sont gros, enfin. Ils ont beaucoup de monde, puis ils ont beaucoup de potentiel là-dedans. Tout à fait. Non, mais c'est public, ça. Mais la France, eux autres, il y avait beaucoup de choses actuelles, d'actualité sur YouTube. Là, t'es comme avec jeuxvideo.com, là, qui était quand même très fort au niveau du contenu. Là. Mais t'es vraiment, là, t'es sketch humoristique, argumenté, tout ça, un peu comme AVGN, ça, là, il commence. Là, ça fait pas si longtemps que ça. Le Joueur du Grenier, il est très populaire, mais quand tu regardes la chaîne, ça fait pas tant longtemps non, que vrai, ça. Là. C'est vrai, ça fait pas très longtemps qu'il a commencé. Là. Que là, tu t'es lancé là-dedans, tu dis, moi, essayez ça. Mais là, tu fais quoi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir de tes vidéos? Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu parles que de jeux vidéo ou t'as d'autres choses aussi? Ou t'as différents. Je fais principalement des critiques de jeux vidéo. Souvent, je donne un petit style humoristique un petit peu à ma critique. Il va y avoir des petites scènes là, où je suis habillé dans un costume ou bien que je fais des faces bizarres, des trucs comme ça. Mais en général, c'est quand même une critique constructive avec des points négatifs, positifs. Puis, il y a aussi, je fais des jeux sur table avec d'autres mondes. Okay. Donc, je nous filme en train de jouer une game bien casuelle. Puis après ça, on fait un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, le Tabletop Geek and Sundry. Gros fan de Tabletop. Bon, ben, c'est pas exactement le même concept, mais bon, ça tire un petit peu de ce concept-là. Parce que veut pas, il faut tirer nos concepts de quelque part, souvent. Puis quand tu veux inventer un nouveau concept, tu dis, il y a probablement déjà quelqu'un qui est en train de le faire. T'sais. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser, j'ai vu ton épisode où tu jouais à Beach World Blitz avec ça avait de l'air le fun comme jeu, ah ça. Ah oui, on a eu tellement de fun. Je suis sûr que Tester a eu bien du fun avec ce jeu-là. Mais c'est ça, parce que là, avec la gang des accros du jeu, t'as tous tes chums de cette gang-là aussi. J'imagine qu'ils participent aussi à tes vidéos. Je pense qu'avec Alpha, justement, avec joueur, testeur Alpha, qu'on la plupart connaissent aussi, t'as fait des trucs avec lui aussi, je pense. Là, là, j'ai fait des trucs avec lui et les autres des accros en même temps. Pas remarqué, il y a un t-shirt, tout le monde est là. C'est le t-shirt, tout le monde est dessus. Là. Voilà, je le vois. Parce qu'on fait partie quand même de la gang qui s'occupe du site internet puis de tout ce qui a rapport à accro des jeux. On est tous ceux-là qui managent ça un peu. On essaye de tous s'entraider un l'autre en participant aux vidéos de chacun et puis en s'aidant là, pour, au point de vue technique puis au point de vue tout ce qui entoure la création de vidéos. Là. Parce qu'Accro des jeux, pour c'est comme un collectif en fait. Vous avez tous des trucs solo de votre côté, oui. Mais vous arrivez avec l'Accro des jeux. Peut-être parler en fait d'Accro des jeux aussi, là, pour ceux qui connaissent pas. C'est quel genre de truc? Parce que là, c'est pas une émission. Moi, je l'ai vu, là, je sais c'est quoi, mais c'est pas une émission standard, disons, comme ici à Puissance Maximale. Mm-hmm. C'est vraiment un peu une table ronde sur un sujet. Puis là, vous lancez, puis ça jase. C'est une communauté de YouTubers principalement. On a aussi des critiques qui font des articles écrits sur le site Internet. Et le but de la communauté qu'on s'est créée, justement, comme j'ai dit, c'est de se supporter dans tous les médias possibles, puis de se fournir de l'information, puis se donner des points d'intérêt communs pour pouvoir faire quelque chose de gros et avancer. Puis éventuellement, Accro des jeux va grossir, va devenir quelque chose d'autre. Il y a quelques années, Accro des jeux, c'était pas mal juste Big Ben, Marie-Lune, puis Review RCE à l'époque. Là, ça a grossi. On a déjà embarqué. Tester Alpha a embarqué. Après ça, on a eu Joe. On grossit à mesure. Puis, ben, en ayant du monde qui ont tous des intérêts puis des capacités extérieures. Je veux dire qu'il y en a un qui est en graphiste, l'autre est en cinéma, des choses comme ça. On peut tout amener ben oui. Une qualité de chacun, d'amener une expertise que les autres n'ont pas. Puis comme ça nous aide à grandir plus. C'est au-delà, c'est ça, dans un podcast, là, les Accro des jeux. C'est vraiment une communauté québécoise de YouTubers, de monde intéressé à tout ça qui se lance. Là. C'est ça. C'est en plein ça. Puis là, en fait, la question aussi que je me posais, parce que moi, je viens de te découvrir, en fait, tu sais, les Accro des jeux, je regardais ça un peu. Tu sais, on confesse. On a connu les Accro avant ta chaîne, parce que le principe que moi, j'ai rencontré à Geekfest Montréal. J'y étais pas. Non, c'est ça, c'est là que je les ai rencontrés. Fait que, tu sais, quand j'ai croisé dans des événements, ben, je parlais à Ben, puis tout ça, puis je disais, hey, salut. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus, mais tu sais, on. T'sais, j'ai pas regardé le matériel que tout le monde a fait individuellement. Là. J'ai commencé plus en détail avec le fait que Marie-Lune m'a filmé. T'as-tu dansé? Oui. Ouais, moi, j'ai eu des feedbacks de ça. Ah oui? Ouais, il y a des gens qui m'ont dit, il savait-tu que ça allait être sur Internet, cette histoire-là? Oui. J'ai fait, oh oui, Andrew, il le savait très bien. Ouais, ben t'sais, comme on dit... Faut pas toujours prendre ça sérieux. T'es, ben non, il faut. Faut t'en laisser de côté un peu. Ben non, je l'ai dit dans la vie, faut pas se prendre au sérieux dans tous les domaines. Et tu le dis toi-même, tu me dis souvent, Drew Moore, tu sais que t'étais épais. Tu me le dis à chaque fois. Ah oui, ben en fait, un peu tous les jours, à chaque fois qu'on se parle, je te le dis à peu près une fois. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est correct, okay. T'as le droit. En fait, la question après tout ça, je voulais savoir. Les vidéos que tu fais, est-ce que tu te mets une cédule, genre je vais en faire un par semaine, un ou deux semaines, ou c'est vraiment « Ah, j'ai une idée, je le fais », est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment de céduler de façon précise, ou c'est quand il devient un sujet intéressant? Ben, j'essaye de céduler mes vidéos au moins une fois par semaine avec des types d'émissions différentes, comme j'ai le podcast vidéo avec Arcade Rétro une fois par mois. Ça, j'essaie de poster ça à peu près à la milieu du mois. J'ai toujours mon vidéo de critique de jeux vidéo vers la fin du mois, qui fait d'ailleurs partie de mon concours Pokémon présentement. Puis les deux autres semaines du mois, j'essaie de m'y garder pour au cas où j'aurais une idée qui viendrait en tête. Souvent, c'est ça. J'ai pas d'idée prévue là, des mois et des mois à l'avance, parce que j'ai pas le temps. Là. Je veux dire, on a toute une vie à un moment donné. Non, c'est ça. Il y a bien du monde. Au Québec, il y a personne... Il n'y a pas grand monde, en fait, au Québec, je pense, qui vit de son... Parce qu'il y en a, effectivement, partout dans le monde, des YouTubers qui ont la chance de vivre avec ça. Ben, juste un exemple, PewDiePie. Ouais, mais là, lui, c'est... ouais, mais là, c'est extrême. Lui, il est au top de tout, là. Ouais, mais ça va être juste à temps que YouTube fasse... Ben, désolé, dude, on peut plus te donner aucun... On ne supporte plus. On ne supporte plus. Non, c'est ça, parce que là, il y a des gens qui réussissent à avoir des 100 000 vues par vidéo, des fois plus. Là, c'est intéressant, on peut avoir des revenus. Mais là... Comme à Puissance Maximale, en fait, on a des vies en dehors de tout ça, puis on est obligé de travailler à côté de ça. Toi, ton travail, a-t-il un rapport avec les jeux vidéo? Non, pas du tout. Mais aucunement. Non, c'est ça. C'est comme moi, quand je travaillais en politique, puis Puissance Maximale, il n'y avait vraiment aucun rapport. Mais t'es, moi, c'est indirect, là. Je suis technicien informatique. Non, mais en fait, c'est ça. Ça gravite dans la technologie. Non, là. C'est ça. Wow, okay. Je travaille pour une institution financière. C'est loin d'être pour le jeu, là, mais bon. Là, ce que j'aime poser comme question, moi, quand je parle à des gens qui testent des jeux. Mais là, tu fais pas. Quand tu testes des jeux, là, tu fais pas juste tester. Est-ce que tu fais juste du rétro? ou tu fais aussi du jeu plus récent? Ben, au début, je faisais juste des jeux rétro parce que mon intérêt était pas mal rétro. Puis, okay. D'ailleurs, avant, mon nom, c'était Rétro Gamer PQ, là, mais je trouvais que ça avait une connotation un petit peu trop... De politique. Là. Ouais, non, quand on parle de. Ouais, effectivement. Fait que j'ai changé mon nom pour juste un gamer. Puis après ça, j'ai dit, ben, je vais faire d'autres choses que juste du rétro pour pouvoir avoir plus d'idées puis que les idées me viennent plus rapidement. Donc j'ai commencé à faire des jeux un petit peu plus récents, souvent des jeux qui sont téléchargeables sur Internet, sur Steam ou sur l'eShop de Nintendo, des choses comme ça. C'est sûr que j'y garde toujours un intérêt plus vers le rétro parce que, tu sais, j'ai vécu dans les années 80. Fin, ouais, ben là, ouais. Fait que pour moi, ce qu'il y a eu dans cette époque-là a une valeur sentimentale. Fait que c'est certain que je vais en parler plus que les choses nouvelles. Éventuellement, les choses d'aujourd'hui vont devenir rétro. Fait que je vais en parler plus. Mais ouais. J'essaye d'en parler là, autant que les choses rétro. Là. Écoute, justement, je vais en venir à ma question principale. C'est quoi le pire jeu que tu as testé? Tu as vraiment fait, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à faire ce jeu-là. Ou que c'était juste que le jeu était mal fait, là. Moi, je pourrais te dire, puis je l'ai toujours dit à chaque fois, c'est pas mal Terminator sur Super Nintendo. Je pense que c'est le pire jeu ouais. ever. Ouais. C'est ah jeu, ouais, à ce point-là? C'est le pire jeu ever que j'ai eu à faire une critique là-dessus. Puis à un certain moment donné, j'avais plus d'idée pas en tout qu'est-ce que j'allais faire avec cette vidéo-là. Ah ouais? Puis je me disais que je vais être capable de faire une vidéo. Je suis même pas capable de passer le deuxième niveau. Là. Ah mon Dieu. Est-ce que je vais être capable de vraiment critiquer ce jeu-là? Puis je dis, bon, faire quelque chose de vraiment loufoque. Je vais faire comme si j'étais en train de faire une séance d'entraînement là, à la Rocky. OK. Puis le mélanger ouais, avec montage, Street Fighter, ouais. Gros montage. Puis c'est la seule idée qui m'est venue pour ce jeu-là. Parce que j'avais rien d'autre à présenter autre que les trois premiers niveaux que j'ai dû sacrer beaucoup pour réussir. Ma femme peut en témoigner. Salut, chérie. Ouais, parce qu'il y a des gens dans nos entourages, des fois, qui sont témoins de ce genre de moments-là. Ils font. Ah oui, ben, je suis pas mal sûr que mes voisins m'entendaient ouais, à ce point-là. Sur ce jeu-là. Mais c'est quoi le problème? C'est la difficulté ou vraiment des problèmes, genre des bugs majeurs dans le jeu? Ouais, les contrôles, premièrement, c'est à chier. Là. Je sais pas okay. Si tu peux dire ça. Oh, ici, ben, là, mais, à cette heure, c'est dit. Donc, c'est dit trop tard. Trop tard. Okay. Fait que les contrôles sont à chier. OK, les graphiques, c'est on dirait que chaque niveau change de graphique. Fait que, oh mon Dieu. Tu sais, quand tu dis que dans le temps, tu étais du pixel perfect, puis tu disais, tu vas sauter d'une plateforme à une autre, puis c'était vraiment là, pixel perfect. Il fallait que tu ailles le petit pixel pour être capable de jumper un l'autre, mais tu ne pourras pas l'avoir dans le prochain niveau parce que les graphiques sont totalement différents. Puis le premier niveau, c'est genre, on dirait 6 levels collés ensemble qui finissent plus, puis avec des contrôles qui ne marchent pas, on dirait que le jeu n'a pas été basé sur, ah, oh, on va dire, on va faire comme Contra, mettons, mais non, on ne fera pas comme Contra, on va faire le gars, il ne peut pas se pencher à terre pour tirer, tu sais. OK, donc un paquet de problèmes pour Terminator 2 sur Super NES, donc une expérience recommandée par Sylvain ici. Ah, absolument. Ben non, mais tu sais, des fois, c'est le fun de c'est l'expérience. C'est une bonne dose de colère, là. Ben, c'est pourquoi, le bon jeu. Ben pourquoi pas. Et de l'autre côté, autre question, le jeu que ton jeu préféré rétro, mettons? Ah, mon jeu préféré rétro, c'est probablement un des Dragon Quest, Dragon Quest 3, okay. Et Dragon Warrior ici en Amérique, ouais. Dragon Warrior 3. C'est un RPG, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Là. C'est une série qui est moins connue un peu que ouais, Final Fantasy. C'est, les... ouais, c'est typiquement japonais comme série. Puis ça a eu beaucoup de misère à starter ici en Amérique. Ça a pris du terrain un petit peu là, vers la fin des années 90 puis début des années 2000 avec Dragon Warrior 7. Mais ça s'est comme s'estompé un petit peu. Il y a encore un engouement là, pour ceux qui connaissent ça. Mais ils ont encore de la misère à percer là, avec Dragon Quest. C'est à mon avis qui est la meilleure série d'RPG ever. Et t'attends le online? Ah oui, j'attends absolument Dragon Quest X. Surtout que là, au Japon, ils ont annoncé Dragon Quest X sur le 3DS, qui fonctionne avec le Dragon Quest X sur Wii U aussi là-bas. Puis j'espère qu'ils vont l'annoncer cette année ou l'année prochaine. Ben, les amateurs de RPG... T'as dû suivre le 3 là, en faisant comme... Ah ouais, ouais, mais ils l'ont pas annoncé le 3, malheureusement. Non, non. sinon, en plus de ta chaîne YouTube, tu es aussi habile de tes mains, on m'a dit. Tu fais des trucs aussi, tu es un artisan, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu fabriques là? Parce que là, Andrew m'a parlé, il dit « Mike, il y a un gars qui fait des boîtes de jeux rétro. » Mais qu'est-ce que là, on va éclaircir ça. C'est quel genre de boîte que tu fais? Est-ce que tu fais juste ça aussi? Non, je pensais que tu voulais parler de mon atelier de massage, là, mais... Non. Ouais, mais ça, on s'était dit, vu que c'est clandestin, on rentrera pas là-dedans, tu pourrais avoir des problèmes. Mais non, on va continuer à parler de jeu. Donc, ouais, c'est ça, tes boîtes, c'est quoi ces boîtes-là? Ben, je voulais compléter certains items de ma collection. Et je cherchais des boîtes sur eBay, puis je voyais que les prix étaient vraiment... là. Juste les boîtes, là? Ah, juste les boîtes, okay. Là. C'était vraiment mongol là, comme prix. Là. C'était des affaires comme une boîte de contrat à 110$, là, toute maganée. Là. Et je veux pas avoir ça dans ma collection. Moi, je veux pas payer 110$ pour un morceau de carton. J'ai dit, brisé. Je suis graphiste de base. OK. Fait que je vais m'en faire des boîtes, puis je vais améliorer le visuel de ma collection. Fait que c'est ce que j'ai fait. Après ça, il y a du monde qui ont vu ces boîtes-là, puis ont dit « Hey, j'aimerais ça en avoir moi aussi. Combien t'es fait, puis comment t'es fait, puis ça coûte-tu bien cher? » Puis ils ont vu à quel point c'était abordable de le faire dans un contexte où on peut en faire plusieurs. Parce qu'on s'entend, quand tu vas chez un imprimeur, il va te charger l'ouverture de dossier, puis ça va te coûter 35$ juste pour faire une impression. Hein. Mais quand t'en fais en grosse quantité, ça coûte moins cher, c'est sûr. T'sais, ça fait quand même une belle collection, là, même si c'est pas les vraies boîtes. Évidemment, sur toutes mes boîtes, c'est marqué que c'est juste pour montrer sur des étagères puis que c'est pas des vraies boîtes. Là. C'est parce qu'il y a des collectionneurs qui pourraient dire ben c'est pas correct de donner ces boîtes-là puis de parce qu'il y en a qui vont les mettre sur eBay. Non, c'est ça. C'est sûr. Mais il y a une marque qui dit... Ça dit clairement que ce n'est pas une vraie puis que c'est juste pour le display, là, comme on dit en bon français. Ben, c'est quand même déjà très hot, là. Moi, personnellement, j'en ai des jeux de NES. Là. J'ai regardé les boîtes. Ben, c'est ça. Souvent, tu vas te ramasser avec une grosse collection de jeux de NES, mais pas de boîte qui va avec. Puis, dans c'est ta collection. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une boîte entière. Puis, c'est le meilleur jeu de NES ever, Top Gun. Oh, t'as ça, toi? Ah, oui. Ouais, je pense que je vais m'en aller. Non, ben, écoute, non, fais-tu un liste? C'est un sarcasme. Oh, mais ça reste que je m'étais promené dans un instant content. La boîte était un peu déchirée, mais rien de pas réparable. Complet, livret, le jeu, la boîte. Ils vendaient ça 4$. T'as fait un bon achat quand même. Ah ouais, non, je disais pas. Le collectionneur en toi. Mais t'es capable d'avoir des boîtes pas chères, tu sais, quand tu peux acheter le jeu complet. T'sais, comme un qui m'a demandé Gauntlet 2 récemment. J'ai dit, ben, je te ferai pas parce que tu peux acheter le jeu complet pour 20$ sur Internet. Sur eBay. J'ai même donné les fournis liens. Je dis, achète-le. Ça vaut pas la peine d'en faire une là-dessus. Va te l'acheter complet puis revends ce que tu as déjà. Ça va revenir au même. Tu vas avoir la vraie boîte. Donc en plus de faire du beau stock, il est honnête. Il est honnête. L'honnêteté. Puis là. Fait qu'on va racheter honnête dans son. C'est juste un gamer. Mets ça dans mon CV. Je suis honnête. Non, c'est ça. Je fais des boîtes, mais je réfère à mes clients ailleurs. Fait que là, mais là, tu t'es lancé là-dedans. Est-ce que tu as d'autres produits que tu fais on the side ou tu as vraiment eu l'idée puis là tu vends ça? Ben j'en fais à ceux qui m'en demandent. J'ai pas un gros site internet où je vends des choses parce que, bon, premièrement, tu as toujours l'histoire des droits d'auteur. Ouais. Bon, c'est sûr que Nintendo puis toutes ces compagnies-là, ils vont pas courir après le monde qui vont faire des affaires rétro parce que pour eux, ça ne retire pas d'argent. Parce que je regarde les reproductions sur Internet, puis il n'y a pas une compagnie qui court après eux autres. Non. Parce que pour eux autres, ça n'a aucun intérêt monétaire. Ils ne feraient pas d'argent assez là-dessus pour vraiment être obligés de poursuivre. Non, ça ne vaudrait pas la peine. Non, c'est Mais c'est sûr que j'en fais à ceux qui m'en demandent. Puis quand c'est possible d'être honnête avec eux autres, de leur dire « c'est mieux pour toi d'acheter le jeu complet », ben je leur dis, là, je niaise pas avec ça. Mais j'ai juste ça comme produit. T'sais, je fais du NES, du Super Nintendo, je fais du Nintendo 64 aussi. Puis du Game Boy Color, Game Boy Advance, ça, c'est des trucs. Une fois que tu les as, les modèles, là, tu peux faire n'importe quoi. Là, je connais un Sega fan qui se dit, est-ce que Jog fait du Sega des fois? Est-ce que tu joues? Oui, j'ai, dans le rétro, t'es-tu Sega un peu ou t'es vraiment Nintendo moi, fanboy? Moi, je suis vraiment Nintendo. Ouais, hein? on a un roux, là. Qui... J'ai quelques jeux de Sega, mais, là. Non, mais je vais dire la chose suivante. J'ai toujours été un multiplatformeur. Oui. J'ai eu un TurboGrafx-16, j'ai eu un NES, j'ai eu un Sega Genesis. Je me considère plus un Sega fanboy, mais t'es, je suis pas un Sega fanboy fini, parce que j'avais d'autres consoles. Mais j'ai toujours eu plus un faible pour les consoles de Sega. C'est pour ça que j'ai... Mais mettons pour tes boîtes, Jug, là, quelqu'un qui te ferait une demande, pas une boîte de Sega. Ça m'étonnerait parce qu'ils sont en plastique. Ouais, ça, c'est plusieurs affaires. Mais t'en as des boîtes comme Castlevania Bloodlines qui étaient en carton. Oui, non, c'est ça, pour ceux-là qui sont en carton. Vraiment un vrai multiplatformeur qui aimerait ça avoir sa cassette de Genesis dans une boîte style Nintendo. Ça se pourrait-tu, ça? Ben oui, ça se fait. Ben oui. Ben, tu vois, Andrew, tu pourrais te confirmer ben, comme... Moi, il faudrait que ça soit des boîtes de Nintendo à la style Sega. Non, c'est ça. Écoute, ça passe vite, Jack. On te remercie d'être passé à l'émission. Puis là, comme pour tous les invités, on t'invite à rester tout au long de l'émission parce que là, le reste de l'émission, on va parler... Ah, tu vois, on vient de Mathieu Galarneau, un auditeur fidèle qui nous dit que Dragon Warrior, c'est tellement bon. Donc, je suis tellement d'accord avec lui. Là, t'es pas tout seul. Ben moi, j'ai pas eu la chance de jouer. Faudrait que je me lance là-dedans. Fait que maintenant, fais ton émission à Lévis. Il y a des Lévisiens qui sont du même avec toi. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, c'est quelqu'un de Lévis qui t'a répondu. Ah oh, oui, non. Mathieu de Lévis, effectivement. Donc, je te remercie d'être passé et t'es invité à rester tout au long de l'émission pour parler de nous à propos des nouvelles dont on va parler tout au long de l'émission. Merci d'être passé. Et pour les gens qui veulent aller se promener sur la page YouTube, ben, allez vous promener sur la page Facebook de Puissance Maximale. On a posté ça au début de l'entrevue, donc vous allez pouvoir tomber là-dessus assez facilement. Et disons qu'on veut te contacter justement pour des boîtes. Est-ce qu'on passe par la messagerie via YouTube ou tu as une adresse? Vous pouvez passer par YouTube, la messagerie YouTube ou sur mon Facebook de Justin Gamer. Vous allez chercher Justin Gamer sur Facebook, vous allez me trouver. Laissez-moi un message, ce que vous voulez, puis je vous dis si c'est possible, puis quand est-ce que je peux vous procurer ça. D'ailleurs, Jog, Sylvain, tu vois où c'est vraiment mauvais le système de messagerie sur YouTube avec la nouvelle interface? Ben oui, je dois avouer que ça me répugne un petit peu parce qu'on dirait qu'ils changent tout le temps ça. Puis le dernier changement majeur qu'ils ont fait là, me causait. Ben pour intégrer Google Plus, là, c'est comme. Je trouve ça vraiment atroce parce qu'il y en a qui me laissent des commentaires, mettons, sur mes vidéos. Je suis même pas capable de répondre parce que ça dit ce usager n'a pas cété ou whatever. Ah ouais. C'est pratique, ça? C'est très pratique. J'essaie de parler avec tes abonnés. Puis il m'en remarque que des fois avec comme là, tu sais, on parle. On parlait du concours en début des concours qu'on fait en début d'émission. Tu sais, il y a du monde, bon, il faudrait que les gens, j'en ai déjà parlé, mais il y a du monde qui partage les images, mais dans leur setting privé, leurs amis, ce qui n'est pas leur ami ne voit pas les partages. C'est, moi, c'est des gens que je peux pas voir s'ils ont partagé. Finalement, ceux qui pensent participer au concours, mais ils ne participent pas. C'est que des fois, tu as des settings dans les. Justement, entre autres, là, sur YouTube et sur Facebook, tu fais aidez-nous surtout pas. Surtout quand c'est un partage justement de trucs du genre, c'est pas un truc privé, c'est un truc qui est déjà public. Je me fais aidez-nous s'il vous plaît à intégrer un peu justement nos fans dans nos communautés parce que ça devient vraiment tannant. Puis des fois les gens ils pensent pas. Là tu dis ils vont le poster, mais pour le post que tu fais dans tes deux semaines d'un concours, là, tu penseras pas à aller changer tes settings de vie privée sur Facebook pour s'assurer que le monde le voie. C'est que gérer une communauté, c'est compliqué. C'est que je comprends ce que tu me dis avec la messagerie YouTube. Là. C'est toute une histoire. Donc, merci beaucoup, Sylvain, d'être pas passé. Et donc, on se reparle tout au long de l'émission, je pense. Là. Oh, t'as la partie pour ça, excellent. Et M. Castelgan, on va aller en pause musicale. Et là, bon, tantôt, là, vous avez eu du métal. Là, moi, vu que vous savez, à l'émission, j'aime bien mettre de la diversité. Ben, vous allez avoir une toune de Charles Aznavour dans vos oreilles. Ça va brasser un peu parce que c'est les deux guitares de Charles Aznavour, une petite chanson qui va vous faire danser à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Sans répit, grattent leur guitare, raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echraz, ischoraz, ischomanaga managaraz. Echraz, ischoraz, ischomanaga managaraz. Jouez, Digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Vois-tu mal, Pourquoi tu m'as là? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echraz, ischoraz, ischomonog, monograz, echraz, ischoraz, ischomonog, monograz. Je veux rire, veux chanter, et saouler ma peine, oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore, pour que je m'enivre. La la er, raz is choraz, is chamanag manag, raz er, raz is choraz, is chamanag manag. Guitare en ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La la la la la la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps rouler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne. La musique, vous en voulez? En voilà! La seule station sur la rive sud. Wake up! Wake up! Run, run, put a little makeup! Vous aimez ça? Ben, en voulons encore! Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage, mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein? CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. J'en ai une belle nouvelle ici. Une fille qui se promenait en bicycle dans le coin d'Ottawa, mais un peu plus en retrait, s'est fait attaquer. Et elle a passé 5 jours à l'hôpital suite à cette attaque. Mais quelle créature a bien pu lui faire un mauvais parti à ce point-là? C'est nous? Non. C'est un coyote? Non. Non. C'est un lynx? Non. Un carcajou? Il n'a plus ben dans le sud, mais tu sais, on sait jamais, 5 jours hôpital. C'est rare des attaques animales comme ça au Québec quand même qui conduisent des gens à l'hôpital. Non, c'est pas un gros animal, c'est une belette? Une marthe? Non, non! Une bernache. Tabarnache. Bernache 1, Kerry 0. Politique correct. Lundi au jeudi, dès 11h. Faut pas trop rire, par exemple. Je pense juste à ma grand-mère. Elle, t'aurait dépassé ça live. Elle t'aurait fait des pâtés, ça aurait pas été long. Jaune-jaune aussi, écoute, puissance maximale. Et oui, de retour à puissance maximale, vous avez entendu Charles et ses deux guitares, et nous sommes de retour en studio avec Jug, alias Sylvain et M. Castegan. Et M. Castegan, t'as pas l'air d'être prêt... Non, j'étais en train d'oublier. Je vais le mettre, je suis rendu. M. Castegan. Les nouvelles puissance maximale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mickaël Michaud à l'antenne, comme à chaque semaine, pour vous parler nouvelles ludiques. Monsieur Castegan, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Michaud. Ça va bien? Oui. Et là, Andrew, on va parler justement, on va partir en nouvelles ludiques. Et là, j'en ai une bonne pour toi pour commencer tout ça. Oui, puis après ça, on va pouvoir aller avec le saviez-vous que t'as oublié pour une faire changement. Ah, d'habitude, c'est toi qui l'oublie. Ben, vas-y donc tout de suite, tant qu'à ça. Ben, j'étais semi-prêt. Tu peux même écœurer. Donc là, t'es-tu prêt? Je vais y aller avec ma nouvelle d'abord. Mesdames et messieurs, vous connaissez bien évidemment le héros Thor, qui est originaire d'Asgard, fils d'Odin, dieu du tonnerre, et qu'on a vu dans deux films, So-So. En tout cas, moi, j'avais pas tant trippé. T'es bien aimé, ouais. En fait, c'est à cause de t'as stické ces costumes que ouais, tu trouvais cheap. J'ai trouvé les costumes cheap. Le deuxième est pas mal moins pire. Mais je sais pas, on dirait que le premier... En tout cas, c'est moi. Moi, j'ai jamais dit... J'ai pas dit qu'ils sont mauvais. J'ai dit que moi, je les ai moins aimés. Bon, voilà, c'est tout, c'est dit. Mais, hey, vous avez aussi une très bonne série de comic books. Mais là, saviez-vous, mesdames et messieurs, que Thor sera une femme? Et oui, c'est sorti hier comme nouvelle. Et évidemment, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça. En fait, c'est Marvel Comics qui a révélé que cet automne, en fait, en octobre, que Thor ne sera plus... là, j'ai le mot en anglais, mais on dirait que je l'aime bien wordy. Donc, ne sera plus... Elle cherche le mot en français, c'est ridicule. Il ne pourra plus, bref, porter le marteau Mjolnir. Donc, c'est une femme qui va réussir à porter le marteau. Et là, on nous dit que sur le marteau, il y a l'inscription suivante. Et je cite, « The inscription of Thor's hammer reads, « Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. » Donc, et là, les gens de Marvel ont dit, ben, il est temps de mettre à jour cette inscription-là. Et donc, ce sera une femme qui portera le marteau. Et là, chez Marvel, on nous a bien dit, ce sera pas She-Thor, ce sera pas Lady Thor, ce sera pas Thoritina, une affaire de main, ça va être Thor. Puis ça finit là. Donc, Thor, à partir d'octobre, pour une série Marvel, sera une femme. Et là, il y a quand même des sketchs qui sont sortis qui sont très beaux. Ça a bien de l'allure, mais bon, disons qu'il y a beaucoup de monde dans la communauté qui font effectivement comme Jug a fait « What the fuck? » Mais écoute, moi, je vois pas vraiment de problème là-dedans. C'est sûr que moi, je suis pas un fan... C'est un peu bizarre, là. Ouais, c'est sûr que si tu suis tard depuis le tout début, puis je sais pas, moi, personnellement, ça me dérange pas tant que ça, mais j'ai effectivement tiqué hier quand j'ai vu passer la nouvelle, je fais « Ah, ouais! » C'est sûr que dans cette ère, justement... Entre autres, au E3, cette année, on avait entendu des protestations, disons, un petit peu de protestations quant à Ubisoft. Et encore une fois, on a décidé de ne pas avoir de personnages filles dans le prochain Assassin's Creed, même dans la version co-op à 4, où il n'y a juste aucune fille de disponible comme personnage qu'on peut jouer. Les gens étaient un peu frustrés. On est dans cette ère-là où on veut de plus en plus de personnages féminins forts, autant dans plein d'univers geeks, autant dans les univers de jeux vidéo que justement dans les comic books. Mais là, peut-être que Marvel a décidé d'aller dans ce sens-là. J'ai hâte de voir le résultat. Moi, je suis tout le temps un gars, un bon public. Je vais laisser la chance aux coureurs. Mais c'est sûr et certain que ça va... avoir le dessin, tu sais, elle a l'air comme... En tout cas, je peux pas vraiment virer mon écran, je pense qu'il va... Oui, avec je peux le m'imaginer sans aller voir ton écran. J'imagine que c'est un petit peu à la Wonder Woman, un peu. Oh, oui, c'est... Mike, okay. Tu peux juste le tourner de l'autre bord. Dans ce sens-là? Genre. Ah, ben... Moi, je le vois, je sens pas, mais moi, je l'ai vu. Ah, mais attends, regarde, c'est pas si mal, là. Mais c'est à la, c'est à la Wonder Woman. C'est un petit peu plus habillé que Wonder Woman. Oui, quand même. Mais j'ai hâte de voir justement, parce que là, tu sais, pour le character design, est habillé, ce qui est déjà bien, parce qu'il y a bien des personnages féminins dans les comic books que tu fais, oui, d'accord, c'est des bons personnages, mais on était obligé de les mettre en swimsuit. Il y a ça. Mais aussi, j'ai hâte de voir dans l'univers qu'ils vont l'amener, comment elle va se comporter comme personnage. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. C'est sûr que c'est ça. Ça clash avec le barbu blond shaper. C'est comme prendre une franchise qui existe déjà pour introduire un nouveau personnage. Créer un autre. Ça va être. Ben, moi, j'ai l'impression. C'est l'effet que ça donne. Moi, je pense pas qu'on va arriver avec Thor, mais. Thor avec des seins, ça va juste être un nouveau personnage qui va s'appeler Thor. Donc, parce qu'effectivement, le marteau va changer de personne. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Puis aussi, on nous dit que c'est ça, que Thor ne pourra plus porter le marteau. Qu'est-ce qui va se passer avec l'ancien Thor? Ce sera à voir s'il y a un storyline qui s'en vient avec ça. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle dans l'univers du comic book. On pourra peut-être en reparler avec Julien la semaine prochaine quand il sera là pour sa chronique. Donc, si on vous le vole pas. Ouais, si vous ne le voyez pas encore. Mais donc, voilà, Thor, la nouvelle série de Thor au mois d'octobre sera avec une femme qui aura évidemment les pouvoirs de Thor. Monsieur Castegan, est-ce qu'on savait que quoi? Ouais, ben, c'est un 2-1. Ben, comme à chaque émission. Non, ben, ça dépend de la longueur du saviez-vous que. D'accord, quand, mais. Quand ils sont courts, j'en fais 2. Quand il est plus long, j'en fais 1. Lance-toi donc. Ben, le premier. Ça, je l'ai trouvé très drôle, je ne savais pas, et j'ai effectivement vérifié la source, et c'est vrai. Saviez-vous que John St. John, c'est le voice acteur qui a fait la voix de Duke Nukem, okay, est également la personne qui a fait la voix de Big le chat dans Sonic Adventure sur Dreamcast? Oh, ouais. Tu sais, le gros chat là, qui fait « Oh, on va aller pêcher! » Puis là, son jeu au complet, c'est de pêcher une maudite grenouille dans un lac. Là. Ben, c'est le même voice acteur. OK. Fait que t'as comme le gars viril avec plein de testostérone là, qui détruit des aliens à coups de pied dans la gueule et le gros chat qui pêche une grenouille. Quand même, c'est des bons clashs. Ouais, hein? On avait fait ça aussi, maintenant, dans un justement de tes chroniques, on était tombé justement sur un je pense que c'est le gars qui faisait la voix de Partanax. Dans Skyrim, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? J'essaie de me rappeler, mais c'est un truc ouais, genre... Ouais, qu'on avait fait comme... Ah, ouais. Ouais, ça clash avec l'autre personnage qu'il faisait. Mais là, l'autre, je dirais que j'ai fait comme... Je me rappelle, j'ai l'encyclopédie de ce personnage-là à la maison, puis j'avais déjà lu, justement, l'article en question, mais à chaque fois, je me demande vraiment d'où est-ce qu'ils ont tiré ça. On va parler de Sonic encore une fois, mesdames et messieurs. Sega! encore? Non, mais... Préparez-vous, là, c'est solide, là. Vas-y. Les souliers que Sonic porte ont été inspirés par les bottes de Michael Jackson. Ah ouais? Les couleurs du Père Noël et la personnalité de Sonic vient de la personnalité de Bill Clinton. N'importe quoi. Quoi? Et ça, je confirme, j'ai l'encyclopédie authentique de Sega sur le personnage de Sonic qui dit que... La personnalité de Bill Clinton? Je préfère des jokes... pas clean, là, présentement. Là. C'est qui la stagiaire dans le monde de Sonic, là? C'est ça la question. En fait, je fais... Ah oui, les couleurs du Père Noël, effectivement, là, rouge et blanc. Je fais, c'est niaiseux comme raison. Le style de botte de Michael Jackson, OK. Benoît Mirandette, il disait pour Partemax, c'est pas la voix de Mario, par hasard. Oui, voilà, c'était en plein ça. Merci, merci Benoît, de nous avoir écrit ça. C'est effectivement la voix de Mario. Mais là, pour venir à Sonic, la personnalité de Bill Clinton... Que c'est ça? Mais dans l'encyclopédie de Sega qui disait justement l'histoire de Sega et de Sonic, là, effectivement, je me rappelle, je l'ai lu et j'avais fait la même réaction. Puis c'est, excusez-moi le terme que je vais utiliser, fuck all expliqué dans le livre. Ah, ils disent pas? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont juste dit, c'est inspiré de Bill Clinton. C'est comme, c'est n'importe quoi. Puis c'est surtout, c'est inspiré de Bill Clinton. Puis là, ils disent pas pourquoi. Tu sais, à la limite, ce qu'ils ont pris de Bill Clinton, je fais. OK, peut-être, mais ça m'intéresse so-so, mais pourquoi? T'as décidé de prendre Bill Clinton? Non, mais ils connaissent pas dans le monde réel, ce monde-là. Ils l'ont jamais vu, Bill Clinton, dans sa vraie vie. Non, mais c'est le président des États-Unis. C'est tout. C'est blanc, tout ce rouge, bleu. C'est clair qu'il trippe sur les chili dogs, on le savait. Ça, Bill Clinton, il trippe sur les chili dogs. Il ne trippe pas sur les chili dogs. J'en ai jamais mangé. Il va falloir que je me lance. Je vais me faire un cosplay de Sonic juste pour manger les chili dogs. Je pense qu'il disait que c'était à cause que Bill Clinton était relativement un homme énergique. Puis c'est n'importe quoi. Je vais soutenir Sylvain là-dessus. C'est n'importe quoi. Mais ça reste quand même que c'est la source est bonne. C'est le livre certifié par Sega qui dit que c'est ça. Calvasse. OK, c'est bon. Vous avez le droit, les gens de Sega. Je veux dire, correct. Vous êtes des épais, mais vous avez le droit. Bon, voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, on va passer à autre chose parce que là, moi, je suis trop subjugué. Monsieur Castegan, savais-tu que pour Mortal Kombat X ou Mortal Kombat 10, là, tout dépendant comment tu veux le dire, des persos en DLC qui s'en viennent, mais pas Batman? Ah, il n'y aura pas Batman. Pas Batman? Et non. Alors fais ce geste-là. Pas Batman? Avec, évidemment... Ça prendrait tellement une webcam. Non, c'est ça, ça prendrait la webcam dans le studio. On vous rappelle, dans les émissions, en même temps qu'on vous parle de nouvelles, que la plupart des nouvelles que nous, dont nous parlons est tirée du site jeuxvideo.com. Donc, sur le site, on nous dit, la semaine dernière, lors de EVO 2014, le célèbre tournoi de Versus Fighting, le créateur et papa de la saga Mortal Kombat, Ed Boon, s'est entretenu avec les gens de Polygon concernant le prochain épisode de la saga. L'homme s'est déclaré satisfait du succès rencontré par le DLC de Freddy Krueger pour le Mortal Kombat 9 et ça a été, comme il nous dit, le personnage le plus téléchargé, et de même que la présence de Scorpion dans Injustice. Ça, d'ailleurs, je pense que je te le dis à chaque fois qu'on tombe sur une nouvelle là-dessus, mais il faut que je te réemprunte Injustice. C'est excellent. C'est un excellent jeu. Je suis pourri, mais c'est un excellent jeu. Pour continuer sur la nouvelle, donc concernant le 10e opus de la série, Ed Boon serait surpris de voir ses équipes ignorer ces très bons scores réalisés par les DLC et confirme à demi-mot la présence de personnages téléchargeables pour une nouvelle itération. Ce que je trouve drôle, hein, par exemple, qu'on nous fasse une nouvelle avec ça, on le sait très bien qu'il va y avoir des personnages en DLC dans un jeu de combat. T'sais, à cette heure, les jeux de combat qui n'en ont pas, c'est ça les exceptions ça maintenant. Vient avec. Non, c'est ça, t'es obligé d'avoir des DLC à cette heure. Pas question en revanche de trucider un personnage de DC Comics dans le prochain Mortal Kombat. C'est Boone qui explique ses décisions en disant, et je cite, « Je ne désire pas couper la tête de Batman et je ne souhaite pas tuer Superman. » Fin de la citation. C'est assez simple comme explication. Donc, les joueurs adoraient sans doute avoir le casting de DC Comics, mais ce ne sera pas le cas. Une des raisons aussi pourquoi, justement, dans Injustice, il n'y a pas de... Fatality. Il n'y a pas de fatality. On ne peut pas effectivement arracher la tête de Superman ou de Batman comme on veut dans ce jeu. C'était une des justement, je ne sais pas si ça a été une des conditions pour DC quand ils ont fait le jeu, ou c'était une décision carrément du studio. Mais c'est, vous ne pourrez pas malheureusement avoir cette chance-là d'arracher la tête de votre super-héros préféré avec votre personnage de Mortal Kombat. C'est plate, ça. Ben, ouais, moi, je suis pas plus. Sans faire, je suis pas vraiment plus attaché. J'adore Batman, j'adore les super-héros, mais je suis pas plus attaché à Batman qu'à Scorpion. C'est correct, là. On le sait très bien que dans ce jeu vidéo-là, ça ne va pas tuer Batman pour toujours, là. Ben, moi, je ne l'achèterai plus, là. J'ai plus le goût. On peut pas le tuer, je vais plus rien savoir. Toi, tu voulais juste pouvoir tuer Batman. Bon, ça y est, on a fait pleurer quelqu'un. On va mettre un X sur le calendrier. Ouais, hey, monsieur Castelgan, où en est le compte des pleurs à puissance maximale? Un. Merci, voilà. Monsieur Castelgan, peut-être une dernière nouvelle avant de partir en musique. Et là, c'est quand même une triste nouvelle. Non, mais attends. Ah, ouais. Vas-y donc. Ah, non, le fichier n'existe plus. Ben, attends un peu, je voulais mettre du violon pour faire changement. Mais on va retourner avec nos classiques. Et voilà. Mesdames et messieurs. Ah, on est rendu à deux. Non, ça, c'est deux. Nous devons dire au revoir à Neversoft. À Neversoft. Monsieur Castegan? Oui, ben en fait, Neversoft, studio qu'on doit remercier pour Guitar Hero, Warrior of Rock et Tony Hawk, la série de jeux. Oui, Warrior of Rock. À l'époque où Tony Hawk était bon. Ben en fait, Neversoft avait été approché par Activision pour travailler sur Call of Duty Ghost. Et chose qu'on doit savoir... Mais Neversoft ferme officiellement ses portes car ils ont été absorbés par Infinity Ward pour ainsi travailler sur d'autres excellents Call of Duty. Celui qui était annoncé au E3 avait l'air pas pire. Il y avait l'air. J'ai hâte de l'essayer pour vous dire, mais quand même. Donc c'est quand même triste. Déjà à l'époque, quand ils ont arrêté de supporter Guitar Hero, moi j'étais là. Moi, j'aime bien Guitar Hero, mais j'ai fait. Effectivement, on est allé au bout du potentiel du jeu. Arrêtez de supporter ça. Fini. J'étais déjà un peu triste. Mais là, c'est vraiment la fin avec la fin de Neversoft. Qu'est-ce que je trouve vraiment intense de la part des employés, c'est qu'ils ont mis fin à Neversoft d'une façon emblématique. Ils ont pris le logo qui est le fameux œil harponné. Et ils ont mis le feu. Ils l'ont mis dans un genre de foyer. Mais sur le logo, il n'y a pas justement du feu? Oui. Ah, voilà, c'est ça. Mais quand l'œil se fait transpercer, il y a du feu qui fait... Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était la fin de Neversoft. Et ils sont assez hardcore à Neversoft parce qu'ils ont mis une dague aux employés. Ah oui, ah, oui. Oui. Ben, en fait, c'est vraiment un couteau. Je cherche le mot. C'est vraiment un gros couteau de style militaire. C'est assez gros. En fait, je vais poster le lien directement sur la page. Vous allez voir que moi, je serais content sans faire de savoir ça étant... Évidemment, un gars qui fait des gènes, qui traite médiéval, les armes. Bien, d'ailleurs, si tu veux voir, je t'invite à te lever. Et... Donc, voilà, c'est posté sur la page de Puissance Maximale. Attends un peu, je te sors ça. Voilà. Ils ont remis ça à leurs employés. Donc, ben, tu te souviens? OK, s'ils veulent détruire leurs employeurs futurs, c'est une bonne chose. Allez, les gars, partez à la conquête d'Infinity War de l'intérieur. Non, c'est ça. Vous êtes maintenant armés, partez une révolution. Voilà. Mais sinon, ben t'es, on va faire un fondu sur le thème. La bonne nouvelle, c'est... Eh mon Dieu, ça paraît qu'il y a eu une pause dans la toune. Fait un fondu, puis c'est comme si j'avais vraiment fermé le fond. Mais bon, tout ça pour dire que... Oui, vas-y. Il n'y a pas eu de licenciement. Non, c'est ça, qui a été annoncé. C'est au moins ça. T'sais, c'est un studio qui part, mais t'sais, c'est, ils disent ferme, mais en fait, ça a été le vrai terme, c'est vraiment... absorbé, là, parce que c'est vraiment l'équipe au complet qui migre dans un autre studio. Là. Donc, c'est triste, mais à demi, au moins les gens pourront continuer à gagner leur vie. Monsieur Castegan, il est 19h54, presque la fin de la première heure de Puissance Maximale, et on va vous envoyer en double pause musicale. Mais là, Andrew, tu devras sauter une chanson. On va y aller directement avec, en fait, un groupe que j'ai découvert un dimanche dernier. Je vous avais parlé à la dernière émission que je suis allé au 25e du groupe Metal Anonymous au Festival d'été de Québec, et j'ai été... ma foi, des plus ravis. C'était un show malade, excellent. Et en première partie d'Anonymous, et aussi il y avait mon oncle Serge qui a passé faire son tour, il y avait le groupe Dance, Laurie Dance. Moi, j'ai pas eu la chance de les voir. Puis là, mais mon frère puis des amis, mais tu vas voir, c'est vraiment des bêtes de scène. Ils sont malades. Ils sont poilus. Ils sont poilus, oui, tout à fait. Il y a effectivement beaucoup de poils au pied carré quand ils rentrent sur scène. Et là, je les vois rentrer, puis ça commence. C'est dit groupe de hard rock, mais ça tombe souvent dans le bon vieux, tu sais, dans les riffs de bon vieux heavy metal. Ça sonne, c'est vraiment lourd, c'est bon, c'est excellent. Et le chanteur est probablement le meilleur frontman que j'ai vu, je pense, dans les trois dernières années. Le gars, c'est un mélange de Freddie Mercury puis d'un lutteur des années 80. Il y a vraiment un pinch au corps avec des longs cheveux frisottés, puis il se donne dans un show, c'est l'enfer. J'ai vraiment été très impressionné. Et là, je me suis procuré les deux albums, On The Side, bien évidemment. Et là, on va vous envoyer une de leurs chansons qui s'appelle Sex Wolf dans vos oreilles. Et tout de suite après, suivra une nouveauté, mesdames et messieurs. En fait, le grand retour de Weird Al Yankovic. Il faisait des parodies de chansons à une époque. Il a joué dans des films, entre autres, c'est UHV. Si je me rappelle bien, c'est un film complètement con. Mais quand même, c'est... Mais excellent. Oui, mais cherchez Weird Al Yankovic sur YouTube. Vous allez tomber sur ses vieux vidéoclips. Il fait de la parodie, entre autres. Et il a sorti un album. On va vous envoyer un medley de tunes connues, mais version polka. Et ça s'appelle Now That's What I Call Polka de Weird Al Yankovic. Donc, on vous envoie ces deux chansons-là à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Connaissez-vous annoncedon.ca? Non! Annoncedon.ca est un site de petites annonces avec une mission sociale. Avec annoncedon.ca, vous vendrez vos items et aiderez des organismes de bienfaisance au Québec. Annoncedon.ca est simple à utiliser, gratuit et offre une expérience destinée entièrement aux particuliers, et ce, sans publicité. Faites partie de la révolution des petites annonces au Québec. Vends le bien avec annoncedon.ca. rages and heat. I am the wolf, fuck, I feel my beat. Always want picture. Better run, better run, faster than my bullet. And we danced all night to the best song ever. We knew every line, now I can't remember. I think I went I think I went I think it goes sexy lady, po, po, po, po, polka gangnam style. Sexy lady, po, po, po, po. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me. But here's my number, so call me maybe. Sexy and I know it. Girl, look at that body. He's sexy and he knows it. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big old coat from that thrift shop down the road. Hey, he wears your granddad's clothes. That's right. He looks incredible. I do. He's in that big old coat. It's from that thrift shop down the road. Let's go. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is super awesome. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Up all night to get lucky. Yes, we're up all night to get lucky. Get lucky. Get lucky. Hurry up, get lucky. Get lucky. Get lucky. Get lucky. We're up all night to get lucky. I'm Alexey Pajitnov. I'm creator of Tetris and you are listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu Weird Al Yankovic il y a de cela quelques instants avec Now That's What I Call Polka. Et vous avez bien entendu, quand je disais un medley mix de plein de tunes connues, mais version polka, la Weird Al, ben c'était ça. Et juste avant, vous avez entendu le très lourd Dance Larry Dance avec sa chanson Sex Wolf. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Et là, il y a Mathieu Galarno qui n'arrête pas, tantôt qui nous a parlé de justement de Dragon Warrior, qui disait que c'était bon. Puis là, depuis tantôt, il n'arrête pas de me poster des liens eBay pour des, justement des versions. Il vient de m'en sortir un d'un des jeux neufs scellés, sortis de la... vraiment, jeux neufs de l'époque scellés. 3800 pour les Dragon Warrior 1, 2, 3, 4. C'est out of my budget, comme on dit. Ouais, effectivement. mais bon. Il m'en avait envoyé juste avant pour les 4 jeux avec genre les boîtes originales, les livrets, tout, là. C'était, là, je ne me rappelle pas le prix que j'avais dit tantôt. Dans le coin de 400$. Ouais, attends-moi 2 secondes. 420$. Ouais, ça a de l'allure pour ce set-là au complet. Parce que tu me disais, je pense que c'est le 4, tu me disais que lui tout seul valait quasiment 200. Juste ouais, à peu près 200, ouais. Fait complet, là, en bon état, là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez bien de l'argent, mais lâchez-vous là, c'est en mode collection. Tu vois, ça, Mathieu disait, je regardais ça, je voulais m'en acheter, mais il dit c'était un peu hors de mon budget. Mais écoute, Mathieu, si tu veux absolument jouer, je devrais peut-être pas dire ça, mais il y a toujours l'émulation. Ça m'attriste à chaque fois que quelqu'un dit ça. Ouais, mais souvent, c'est les... C'est ouais, des fois, on a... Moi, j'aime mieux que quelqu'un puisse découvrir une série comme ça, qui est pour bien du monde, juste pas accessible au niveau budgétaire, que j'aimais la connaître parce que c'est tellement des bons jeux. Non, t'as raison, t'as absolument raison. Mais c'est pas la même affaire. C'est dans ce temps-là qu'il faut encourager le piratage responsable, dans le principe. Joue-le, mais quand tu auras l'occasion de l'acheter, ben achète-le. Surtout que t'as les moyens de partir de ta collection, vas-y. Non, c'est ça. Tout à fait. Anyway, il y a bien du monde qui me dit « Ouais, mais là, pourquoi tu joues pas tes jeux rétro sur l'ordinateur avec un émulateur? » Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais je veux... Le trip, c'est de le faire comme quand on était jeune. Ben oui, avec la manette originale, la console originale, puis juste le feeling de mettre la cassette dans le système, de ça, juste ça, tu peux ben pas, oui, être, non, pas c'est émuler en, ça. C'est en plein ça. Le plaisir, une bonne partie du plaisir est là parce qu'il y a bien des jeux, tu fais. Il y a des jeux qui ont mal vieilli un peu. Puis aussi des jeux, tu te rends compte que j'étais pourri quand j'étais jeune, puis je suis pas mieux à mon âge. Ça change pas avec l'âge. Non, c'est ça. Ou encore, tu fais. Il me semble que j'avais moins de misère à me rendre là. Ouais, ben fait quand on était jeune, tu fais « Ah, des... non, non. » Rien fait... là. Non, et rend à cette heure à notre âge. Hey, M. Castegan, j'ai une bonne nouvelle. On va retourner dans la nouvelle ludique. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Savais-tu que là, si tu trouves un roux qui te ressemble un peu dans un jeu, tu pourras le poursuivre? Wow! Parce que tu sais, il y a plein de gens qui le font, entre autres. Mais ben là, il y a pas mal de gens, je vais parler de celle-là en premier. Pas mal de gens ont vu, il y a deux semaines environ, Lindsay Lohan qui a finalement concrétisé ses menaces de poursuite de Rockstar. Donc, elle a poursuivi Rockstar pour le jeu Grand Theft Auto 5 avec bon, la fille qu'on voit en bikini dans les images de loading puis dans les images de promo. Ben, elle dit que c'est son image à elle. C'est n'importe quoi. Et voilà, c'est dit et redit. Donc, ben, y a cet exemple-là, mais il y a un exemple un peu plus loufoque qui est un peu plus drôle. C'est l'ancien dictateur Manuel Noriega qui attaque Activision. Et oui, et là je cite l'article, on a souvent vu des personnalités publiques intenter des procès à des éditeurs, mais rarement un ancien dictateur depuis sa cellule. Manuel Noriega, ancien chef des armées et chef d'État autoproclamé du Panama de 1984 à 1990 et collaborateur occasionnel de la CIA, tu sais, on the side, et purge actuellement une peine de prison pour meurtre, blanchiment d'argent, trafic de drogue et violation des droits de l'homme. Ce qui ne l'a pas empêché d'apprendre qu'il est présent au casting de Call of Duty Black Ops 2. S'estimant lésé, le dictateur de 80 ans accuse Activision de s'être enrichi sur son dos et réclame des dommages et intérêts à l'éditeur. Meurtrier, blanchisseur d'argent, trafiqueur de drogue et violeur des droits de l'homme. Moi, à ta place, Manuel, je me garderais une petite gêne. Fait que finalement, il n'y a plus d'argent pour payer son avocat, ben, puis il va poursuivre quelqu'un d'autre pour chercher de l'argent, ça va marcher. Genre, mais tu sais, on en parlait hors d'onde tantôt quand on parlait de ces nouvelles-là. Tu disais, tu sais, Lindsay Lohan, quelle brillante carrière d'actrice, elle n'a surtout pas besoin de se faire de la publicité sur le dos d'un jeu vidéo. Non. C'est surtout pas pour ça. Non, surtout pas. Hein. Parce qu'on se rappelle de sa super prestation dans Machete. Hein? Grand talent d'actrice. Puis avant ça, ben. C'est ça. Passons à une autre nouvelle, M. Castegan. T'en avais vu. J'en ai, mais là, je suis. T'es trop impressionné par la carrière de Lindsay. Exactement. Je suis flabbergasté. Ah là, on a Luduc là, qui arrête pas de se promener en Lady Gaga Giraffe. Là. Il pourrait se promener justement en Lindsay Lohan, pourquoi pas? Ça me tente pas de voir Luduc habillé de même. On l'a vu en girafe Lady Gaga. Là, il pourrait faire Miley Cyrus. Là. Non, je veux pas le voir en espèce de tenue bizarre avec une masse. Non, moi, je continue à penser que c'était mieux quand c'était Antoine Bertrand qui avait fait cette parodie-là. Il était très bon. On va laisser faire Luduc là-dessus. Monsieur Castegan, autre nouvelle? Ben, GTA V aurait enfin une date de sortie sur PC. Ah oui? Ben t'sais, on sait qu'il s'en vient sur PC. Mais le monde, il dit « Ouais, on n'a pas de date, là. » Fait que là, maintenant qu'on sait que ça sort PC, ben là, c'est la machine à rumeurs de la date de sortie. C'est parti. T'sais, c'est parti. Et là, il y aurait un site qui s'appelle Cool Shop qui aurait annoncé le titre pour le 14 novembre prochain. OK. Et le hic, par exemple, c'est que depuis, Cool Shop ont modifié leur page web puis ont mis le 31 décembre, date généralement utilisée pour dire « on sait pas la date, mais on sait que ça sort cette année ». Fait que là, la question, c'est est-ce que c'est une fuite d'information et que la date réelle est le 14 novembre ou c'est juste une faute de frappe? complète de la date. Tu sais, des fois, ça se peut très bien. Moi, je suis tombé sur un... Je n'aimerais pas le site. Vous savez, je suis en recherche d'emploi présent depuis un certain moment. Et là, j'ai envoyé un CV cette semaine. Et c'est un CV où il demande de, t'sais, d'avoir une belle qualité du français à l'écrit et à l'oral, quelqu'un de consciencieux. Dans la page où il fallait que j'aille chercher l'adresse où envoyer mon CV, j'ai détecté en à peu près 2 secondes et quart, à peu près 2 à 3 fautes juste dans la page de présentation disant « Envoyez-nous votre CV ». Donc ça se peut très bien que ça le monde me frappe. Le monde ne fait tellement pas attention. Et là, moi-même, là, j'ai effectivement à l'occasion sur j'ai créé un blog aussi on the side, puis je regarde pas toutes mes fautes. Donc ben, probable. Écoute, mais ça se pourrait très bien que ça soit ça. T'sais. Même dans le Journal du Québec puis Le Soleil, des fois t'en trouves des tonnes de fautes. Mais le pire, c'est que tu te dis, bon, il y a des gens qui savent écrire. En tout cas, qui normalement devraient savoir écrire. Mais en plus, dans les journaux, il y a des correcteurs. Il y a des gens qui sont payés pour corriger ça. Puis ils ne voient même pas. Hein? Donc, la perfection n'est pas de ce monde. On parle de Luduc, hein? Fait que Luduc a les oreilles qui cillent. Il vient d'écrire « Si je viens au show, je viens déguisé en Lindsay Lohan. » Après ça, il écrit en commentaire « J'en déduis que votre invitation vient de s'annuler. Hein? » Point d'interrogation, bonhomme qui grimace. Non, non, Luduc, si tu veux venir en Lindsay Lohan, c'est toi qui décides. C'est pas un problème. On te rappelle qu'on a un show de radio, puis c'est toi qui filmes, puis c'est sur ta page YouTube. C'est ton problème. Mais effectivement, ben, on va l'annoncer tant que ça. J'en parlais avec Luduc hier. Mais nous allons recevoir. Comme si c'était genre un devoir. On était obligé de le recevoir, mais non, ça nous fait plaisir de recevoir Luduc à puissance maximale fin juillet, début août. Là, on va s'en parler pour la date. Là, Luduc, amène ta caméra. On a un duel à conclure qu'on a oublié de filmer. Ah, ben on pourra faire ça. Mais on fera ça en même temps. Fait que t'as le temps de faire une affiche avec du feu, des explosions, comme de quoi, là, qu'il y a de quoi qui s'en vient là, quand tu vas venir en studio. Là, t'as pas le choix. Là. Faut que tu fasses ça. Là. Luduc vient nous dire challenge accepted. Donc, ce sera en Lindsay Lohan pour l'émission de fin juillet, début août. Ben, ça dépend si le challenge est accepté pour le duel à finir ou pour le fait de venir en Lindsay ou les deux. Non, mais ça, le duel à finir, c'était déjà accepté. Ça fait que moi, selon moi, c'est pour Lindsay. Mais bon, tout ça pour dire que Luduc sera là et on va vous préparer un petit spécial YouTube. Ça va être Luduc versus puissance maximale. Ça va être de toute beauté. Non, compte toi, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc, mais non, mais c'est à cause qu'il met tout le temps des affaires versus quelque chose. Ouais. Voilà, il va venir dans ce bout-là de l'été pour venez nous parler une petite chronique spéciale avec Andrew. On organisait ça. Spécial YouTube, leur préféré YouTuber. Et il va y avoir un spécial. Je passe pas beaucoup trop de temps sur YouTube. Non, non, hein? Pas pantoute. Hein? Et hier, je me suis couché trop tard juste parce que je me forçais à regarder des affaires. Et aussi avec un duel. Pas un duel, parce que là, j'ai la page de Luduc d'en face. Le duel, c'est parti. Et aussi un spécial musique de YouTuber qui sont sortis sur YouTube. Et voilà, tout simplement. Donc, ça se prépare à puissance maximale avec Monsieur Luduc. Monsieur Castegan, autre nouvelle ludique. Oui, ben en fait, on parlait de studio, on va continuer de parler de studio, mais des bonnes nouvelles. Le studio Daedalic, le studio en arrière des jeux d'Eponia, excellent jeu de point and click d'ailleurs, si vous n'avez pas joué, je vous les recommande fortement. Jeu très humoristique et divertissant. Il y en a 3 dans la série. En fait, c'est pour vous dire que ce studio-là ouvre un nouveau studio. Hourra! Donc, particulièrement réputé pour la qualité de ses jeux d'aventure, dont la série d'Eponia, de Whispered World ou Memoria, Daedalic s'agrandit avec l'envie de creuser davantage d'autres styles de jeux. Un studio à Düsseldorf, c'est une ville en Allemagne. Ouais, je crois comprendre, là, mais tu sais que je parle pas allemand. Moi non plus. C'est drôle. Mais lui, il sait pas toi. Ouais, mais lui, il fait des études en littérature ancienne grecque. Là. Ah ouais. C'est ça, les Grecs, pas l'Allemagne. Non, c'est ça. Ben, le grec, là, c'est... C'est pas en Allemagne. Si tu me dis que c'est la racine de l'allemand, je te bats. Je dis pas que c'est la racine de l'allemand, mais t'es capable de lire, là, puis d'en parler un peu, là, fait que tu sais parler n'importe quoi. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Tu te donnes un ton à peu près, t'as de l'air professionnel, puis moi j'ai de l'air d'un épée. On écoute. C'est Hi Anakatsiki. Yeah, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tu me traites d'épée? Non, Nico a une chèvre. Ben, c'est parfait. C'est les 2 seules phrases que je sais dire en grec. Voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, continue ta nouvelle. Ben, c'est ça. Fait qu'il rouvre un nouveau studio. Donc, ça va être une nouvelle structure qui va se focaliser sur les autres styles de jeux, laissant les fameux jeux d'aventure au studio de Hambourg. Hambourg. OK. T'as vraiment la misère avec ton allemand. Hein? Va te lancer un crayon! Il a trouvé de quoi pour me lancer. Voilà, c'est fait. D'accord. T'as-tu d'autres noms allemands à scraper ou t'as fini? Non, c'est tout, là. T'as brisé. Tu as brisé mon envie de vivre. Et voilà. Tu as brisé ses rêves avec ça. Là. C'est fait. Ben, monsieur Gastegan, j'ai une autre bonne nouvelle pour un studio aussi. Pour le studio Volition, en fait, qui font la série Saints Row. Ils recrutent, mesdames et messieurs, comme on dit dans la nouvelle, vu qu'on parle souvent de la crise de studios qui ferment ou qui doivent licencier des gens, ben, cette société-là a récemment acquis finalement par Koch Media. Et là, oh oui, vous avez bien entendu. À moins que ça se prononce Koch. Ben, ça doit être ça, parce que sinon, ça sonne vraiment trop bizarre en anglais. Et non, Benoît, je donnerais pas un bec à Luc, excuse-moi. Donc, qui a annoncé qu'il désirait recruter une centaine de personnes afin d'agrandir son équipe actuelle, composée de 200 employés. Donc, une autre bonne nouvelle dans le domaine du jeu vidéo. Donc, félicitations à ces gens-là qui vont avoir un nouvel emploi chez Volition et participer à peut-être Saints Row 5 avec des Mayas qui pitchent des rayons par les yeux. Là, parce que tu sais, il y a des aliens dans le dernier, on sait plus où est-ce qu'ils vont aller dans le prochain. En fait, c'est une matrice. Non, je sais bien, mais quand même. Créé par des aliens. Je trouvais que c'était comme un peu trop. Mais bon. Tu peux courir vite. Mais oui, hein, c'est le fun. Hein, une chance qu'on a ce jeu-là pour courir vite. Ben, qu'est-ce que tu veux, Sonic n'offre plus à marchandise. Faut bien quelqu'un en place. Non, c'est ça. Monsieur Castagan, autre nouvelle? Excuse-moi, c'est à cause qu'il y a des affaires de monde qui lancent des défis de glusu, me donne un bec, puis des affaires de main. Il y a déjà assez du monde qui veulent le faire pendant GeekFest à la tête, là. On commencera pas à le faire autrement, là. C'est vraiment n'importe quoi sur Facebook présentement, mesdames et messieurs. N'allez pas là. C'est dangereux, vous pourriez attraper quelque chose. C'est digne d'un 4chan. Ben, où ça s'en ligne? C'est vraiment là, c'est... n'importe quoi. Je suis surpris qu'il n'y ait pas des mimes de Slenderman là, avec des affaires de viol tentaculaire qui a commencé à se promener là-dessus. Ah, c'est ça. Donc, continuons ta nouvelle. Microsoft pourrait licencier jusqu'à 12 000 employés. Bon, ça allait bien, nos nouvelles. Là. 12 000, et pourquoi donc? Ben, en fait, ils disent que Bloomberg déclare tout de même qu'il s'agirait d'un des plus grands licenciements de l'histoire de la compagnie, qui, pour rappel, avait déjà supprimé 5 800 emplois en 2009 du côté de The Verge. On annonce carrément que 10 % des employés de la compagnie pourraient perdre leur travail dans le processus, soit plus de 12 000 employés. Ouch. Dans la principale division concernée, on trouve Nokia, mais aussi le département marketing Xbox. Ouais, mais Xbox, on en avait parlé qu'il y avait quelque chose qui se passe un peu plus tôt dans l'année, là, qu'il y avait des problèmes. Puis il y avait un nouveau président qui est arrivé. Oui, puis qui disait qu'il aurait pas peur et même ça ne dérangerait pas de carrément mettre la hache dans le département Xbox puis le vendre à quelqu'un. Puis concentrer. C'était assez important comme annonce. En tout cas, ça m'avait beaucoup marqué. Puis là, bon, on a des trucs comme ça. Disons que. Puis Xbox, en tout cas, pour le moment, la Xbox One va quand même assez bien. C'est pas une catastrophe. Ça se passe bien. En plus, cette année, ils ont fait un vrai E3 avec des vrais jeux. Ils nous ont pas parlé de Kinect. Moi-même, ça m'a donné envie de m'en acheter une. Puis tu sais, moi, je suis assez critique depuis les dernières années où je suis ça. Je me dis que, mais non, ça a l'air que c'est pas assez. 12 000 personnes, c'est quand même pas mal. Ça y est, notre Facebook est rendu comme 4chan. Mais mesdames et messieurs, pour nous donner une petite pause de Facebook, on va aller en pause musicale, justement. Et on va y aller avec une petite chanson de marin, mesdames et messieurs, avec un groupe qu'on aime beaucoup à l'émission, qu'on passe souvent, c'est le groupe Bodakdan avec la chanson « Contre vents et marées ». Dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. Un soir chez eux, un peu dans la brume, je lui racontais nos histoires d'infortune. On a grandi sur le long des routes, qu'on vit pavé d'or et non de banqueroute. De la Gaspésie à Ville-Marie, on se permet de rêver à la Californie. Couché sur ceux qu'il reste de lit, autour le matin ou très tard dans la nuit. Notre objectif est clair et nous y arriverons. Ouais! On nous a dit qu'on n'arriverait à rien, qu'on serait pas maître de notre destin, et même que la vie se chargerait bien de nous foutre une baffe quelque part. one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. I'm not the only one. I'm not the only one. Hate me. Do it and do it again. Waste me. Taste me, my friend. I'm not the only one. No, no, no, no, no, no. I'm not the only one. My favorite inside source. I'll kiss your open sores. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. This is Brennel Floss. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo! Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu la gang de Badagdan contre Vents et Marées. Et tout de suite après, une chanson spéciale pour Luduc. Et Big Ben, des accros du jeu. Voilà, donc la reprise de la chanson de Nirvana, Rape Me, par Richard Cheese. Pour rester dans le thème de la discussion. Non, c'est ça. C'est pas n'importe quoi pendant tout. Et M. Castagan, j'ai une nouvelle pour toi. Les anciens d'Infinity Ward font de Reload Studios et s'attaquent à la réalité virtuelle. Et voici ce que dit l'article. Après Respawn, voici Reload, donc des anciens d'Infinity Ward, guidés par les deux cofondateurs James Chung et Tyrone Ho. J'espère que je les ai bien prononcés. Se sont lancés depuis mai dans la folle aventure du développement de First Person Shooter. On nous parle de First Person Shooter en réalité virtuelle, par contre. Donc, voilà ce qui devrait mettre l'eau à la bouche, puisque toute une équipe s'est formée autour de ce projet, rassemblant actuellement 12 membres, parmi lesquels on peut citer Pete Blummel, donc producteur de la saga Call of Duty Modern Warfare, ou encore Nick Ranieri, ancien animateur de chez Disney. Cette belle équipe travaille actuellement sur un FPS compatible réalité virtuelle pour mobile et console de nouvelle génération. Mobile. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord. Ouais. Dont le lancement est prévu pour 2015. Reste à savoir si la mention des consoles de nouvelle génération inclut la Xbox One d'une manière ou d'une autre, avec ou sans la réalité virtuelle. Quant au mobile, les récentes avancées et annonces ne font plus de doute sur le potentiel de nos smartphones, donc téléphones intelligents, en matière de réalité virtuelle. C'est ce que dit l'article. Moi, déjà, tu sais, quand on voit des... J'ai vu des téléphones qui pouvaient afficher du 3D, même le HD, ces téléphones, à la limite, c'est... Oui, j'ai bien de la misère avec ce concept-là sur un mobile. C'est tellement petit, tu peux pas profiter d'une grosse écran 80 pouces, me semble. Puis déjà que la réalité virtuelle, de base, avec ce qui sort présentement, avec les Oculus Rift de ce monde, puis c'est toutes ces patentes-là, le projet Morpheus chez PlayStation... C'est pas mal un casque avec des goggles qu'on se met dans la face, là. Moi, on n'a pas compris avec le Virtual Boy. Visiblement pas. Puis moi, écoute, c'est comme... Tu sais, je me sens un peu comme dans la frénésie, là, de la Kinect puis de la Wii, là. On vient de trouver un nouveau truc, là. Puis là, on va vouloir le faire à toutes les sauces. Puis après une demi-génération de consoles, on va... Bon, ben, finalement, le monde s'en sac. Parce que la Kinect, un échec assez... En tout cas, moi, selon moi, retentissant, là, c'est pas qu'on le retire de la nouvelle console en plus après avoir dit non, ça vient avec. Finalement, on va vous en offrir une sans Kinect. La Wii. Ben nous, reconnaissance vocale va tellement bien sur la Kinect. Une chance qu'il y a ça. Ben, la Wii, ça a fonctionné parce que c'était simple. Ben oui, c'était simple, c'était nouveau. Puis avec les commandes, pour le genre de jeu qu'il y avait, ça va bien, tu sais. Mais pour le reste, je veux dire, moi, ça m'intéresse pas de. justement, disons, jouer à Rainbow Six, des trucs de la même, puis là, pour reloader, faut que j'ouvre ma main devant. Non, non, pèse un piton. Moi, je trouve que t'as l'air tellement ridicule dans ton salon. Tu joues, mettons, à Call of Duty, mais t'as rien dans les mains, puis là, faut que tu fasses semblant que t'as un gun, puis là, faut que tu fasses tes menus. Le monde qui te regarde dans ton salon, quand ils passent dans la rue, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est ça. Puis en même temps, est-ce que le monde te voit et te voit pas? T'as l'air d'un crétin. Ben oui. C'est pas le fun. T'es debout, t'es tout penché, tu te penches. Si je veux faire de l'exercice, je vais aller en faire ou je vais m'acheter un jeu d'exercice. On fait du airsoft. Ouais. Ça, c'est du. Vous allez voir que, même que soyez tanné d'en recevoir, vous allez courir puis vous allez en faire de l'exercice. Mais je vois pas vraiment l'intérêt de. C'est que là, on arrive avec la réalité virtuelle. Je peux ça, j'ai plus de compréhension pour l'intérêt qu'il peut y avoir. Mais de là à. En tout cas, je pense pas qu'il va y avoir encore une fois énormément de jeux qui vont marcher avec ça. Si ça va être si prenant, si immersif que ça, ce sera à voir. Mais voilà, c'est lancé. On verra bien. Je suis encore. Comme on en parlait il y a deux secondes, je suis encore plus curieux pour la version mobile. En tout cas. Monsieur Castegan. Ben, premièrement, on a reçu du courrier. Un courriel pendant l'émission de Véronique Thibault. Oui. Qui dit « Moi et André, on aimerait ça faire une demande spéciale pour une toune de Naël Buck à votre prochaine émission de la semaine prochaine. » Ben, c'est inscrit, Véronique. Bon, c'était juste un prétexte pour tester votre courriel live. Bonhomme content. Véro, PS, vive Sonic. Tout à fait d'accord. Donc, merci, Véro. Ben, ça va. Oui, je pensais en note une toune du Naël Band la semaine prochaine. Tout à fait. Je vais mettre ça dans ma sélection pour la semaine prochaine, Véro. Monsieur Castegan, autre nouvelle, donc? Oui, au niveau d'une autre nouvelle, tu te rappelles qu'on avait parlé d'un jeu de survival horror sur la PS4 et PC du nom de H1Z1, qui était un jeu qui allait être free-to-play. On en avait parlé quelques fois, un jeu qui semblait quand même très prometteur. Et là, il y a eu des images que je fais comme « Oh, crap, ça a de l'air hot! Okay. » Et par simple principe que non seulement vous allez devoir survivre de point de vue manger et boire, survivre de vous faire chasser par des morts vivants, de survivre de vous faire chasser par des animaux sauvages, parce qu'on s'entend-tu dans le bois, tu peux tomber quand même face à face avec un grizzly et faire comme « puis te faire tuer par le grizzly. Mais il va falloir en plus que vous gérez la température. Oh. Parce qu'il va y avoir des saisons dans H1Z1. Donc, vous pouvez vous retrouver en plein été dans une grosse canicule et vous pouvez être victime de coups de chaleur. Qu'est-ce qui va... Déshydratation et tout. Déshydratation et tout. Bon, qu'est-ce qui va affecter votre soif. Et il y a aussi l'hiver qui fait en sorte que vous allez devoir vous arranger pour avoir chaud et non pas faire d'hypothermie. Donc, et en même temps, ben, y a le concept de météo. Donc, il peut y avoir des orages, de la pluie et des tornades. C'est-tu des saisons en temps réel? Ça ne spécifie pas dans l'article. Le jeu, il est pas encore à veille de sortir. Il y a une bêta qui s'en vient d'ici la fin de l'année, là, de mémoire. Là, mais la full release, c'est comme pas à veille. Fait que il n'y a pas encore tant de détails que ça. Si tu veux survivre une saison, si c'est en temps réel, ça va te prendre 3 mois... de gameplay. Non, c'est ça. Ça me met en réel, que ce soit en temps réel, mais en tout cas, c'est ça. La réalité virtuelle. Ah non, on parle de réalité virtuelle. Donc, non, mais en tout cas, j'ai hâte de... C'est toujours le fun d'avoir des éléments comme ça parce que, tu sais, on parle souvent, justement, dans le survival, on veut des jeux immersifs. Il y a bien des jeux comme ça, justement, en mode sandbox qu'on veut avoir comme ça. Dans Skyrim, un des trucs que j'ai bien aimé, c'est le mode que j'avais installé sur mon PC qui me permettait, justement, de gérer la faim. Il fallait absolument que je mange, que je m'hydrate, que je me protège du froid. Ça amène... Puis surtout, vu que la map est grosse, puis un des intérêts... pour beaucoup, c'est de s'asseoir sur son cheval puis vraiment faire, de se promener, de pogner toutes parce qu'il y a tellement de random events. Là, c'est ça. Ça fait que ça, c'est un des plaisirs. Ça fait, en plus de pouvoir vivre ça, ben là, c'est un jeu de rôle. Puis tu sais, quand on parle de jeu de rôle, on parle justement d'immersif. On va être dedans à fond. Ben, c'est un autre élément de plus. Ça fait qu'on amène des jeux avec ça, je trouve ça vraiment le fun que les concepteurs s'y mettent maintenant. Pas obligé que ce soit ultra complexe, mais quand même qu'il y ait cet élément-là. T'sais, on parle de réalisme. Souvent, on va voir des films maintenant. Il y a, moi, j'ai un peu mis ma switch à off. Là, des fois, je vais voir des films de super-héros. Je fais, ouais, OK. Là, je fais, Mike, c'est un film de super-héros. Là, prends-les comme ça, c'est fini là. C'est pas grave. À part Superman, ça, j'ai pas été capable. Là, la moitié de la ville est défaite. Mais il y a genre deux blessés. Il y a deux gars avec le bras cassé, c'est tout. Là. Mais c'est le fun d'avoir ces éléments-là de plus dans nos jeux qui nous fait rentrer encore plus dedans. Puis quand on ressort du jeu, on fait « Bon, là, j'ai relaxé. Là, j'étais dans quelque chose d'autre. J'étais dans un imaginaire. » C'est ces éléments-là que je trouve intéressant quand les concepteurs osent amener ça. Merci beaucoup, Andrew, pour cette nouvelle. Mais parlant justement de réalité virtuelle, il y a justement la compagnie Oculus qui condamne la revente de précommandes. En fait, c'est parce que Oculus vend justement, il y a des précommandes qui sont faites. Puis il y a des gens qui revendent ça sur Internet. Je dis ça comme ça. Ouais. En fait, ils poursuivent sa lutte dans leur lutte donc contre le marché noir des kits de développement de leurs casques de réalité virtuelle, à part avoir été contraints de suspendre l'approvisionnement pour leur modèle DK2 en Chine. T'sais, la Chine sont pas forts là-dessus d'abord, la revente puis les copies. Bon, la compagnie a été obligée d'annuler une précommande qu'un acheteur cherchait à revendre sur eBay au tarif exorbitant de 5 000 $. Donc, le kit coûte 350$ normalement. Donc, Oculus en profite pour prévenir qu'elle gardera un œil sur eBay ainsi que les autres plateformes de vente et n'hésitera pas à annuler les précommandes qu'elle retrouvera sur le marché noir. Une annonce qui inquiète évidemment les développeurs ayant passé ces commandes, redoutant que leur réservation puisse être annulée par erreur ou par malice sur la foi d'une fausse dénonciation. Une inquiétude qu'Oculus balaie en affirmant disposer suffisamment d'outils pour pouvoir sanctionner, et je cite, « Pour que les choses soient claires pour tout le monde, l'information fournie à elle seule ne suffit pas à prendre des mesures. Nous effectuons nos propres enquêtes avec les outils à notre disposition pour nous assurer qu'il n'y a pas de faux positifs. » Fin de la citation. Donc, voilà pour les... Mais je trouve ça, effectivement, c'est un problème à quel il fallait penser. Puis en plus, je pense qu'ils étaient assez ouverts même aux petits studios indie. Ben, d'ailleurs, nos amis de Nine Dot Studio avaient ça entre les mains. On avait testé ça, leur jeu... God's Factory, Wingman, voilà, c'est dit, avec le casque Oculus, la version avant la HD. Et normalement, j'ai aucunement de problème de motion sickness, là, mais avec l'Oculus Rift, j'ai eu de la misère. Ça y allait. Mais là, c'est ça, c'est même des petits studios comme ça qui peuvent l'obtenir, ce produit-là. C'est que c'est bien sûr. Ben, en fait, même nous autres, puissance maximale, si on voudrait défrayer le montant qu'il faut, on pourrait en avoir un. Mais tu sais, bon, on ne pourrait rien développer avec, là, à part... du motion sickness, mais non, c'est ça, tu sais, c'est facile, c'est quand même assez accessible si on a l'argent, donc il suffit d'avoir l'argent, après ça, on en revend ça pour 5 000$. Ben oui. En même temps, il faut être crétin un peu pour racheter ça, 5 000$, il faut vraiment pas être au courant de ce qui se passe dans l'univers vidéoludique pour pouvoir payer ça un prix aussi exorbitant. Donc, voilà. Monsieur Castegan, autre nouvelle? Oui, mais avant, je vais juste faire un clin d'œil à deux commentaires qui ont été faits sur Facebook pendant qu'on parlait de nouvelles. Oui. Premièrement, Big Ben des accros du jeu, Benoît Mirandette. Salut Ben! Ouais. Salut Ben! qui fait un petit saviez-vous à propos de 007 sur 64. Ah oui? Me semble que je l'ai déjà couvert, mais je vais le dire quand même au cas où. Les programmeurs voulaient utiliser le Rumble Pack pour charger une arme. Peut-être dans le cas qu'on voulait charger le gun, il fallait enlever le Rumble puis le remettre. Ah ouais? Oui, mais me semble que j'en avais déjà glissé un mot, mais je suis pas sûr. Moi, je m'en rappelle pas, en tout cas. Mais pourtant, ça fait longtemps que j'en ai déjà parlé, fait que c'est un bon retour. Hey, t'imagines-tu l'Aria, toi? À chaque fois, puis des tu sais, les jeux, tu sais... Tu vas briser ta manette de 64. Bon, ben, mais ouais, c'est ça, les manettes n'étaient pas déjà fragiles pantoute. De toute façon, Nintendo avait refusé à cause qu'il disait que ça rajouterait trop de réalisme. Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne décision. Effectivement, non, mais ça a été, first, beaucoup trop de taponnage, et deux, c'est pas vraiment intéressant. Bon, tu peux mettre le feature pour demain, mais je veux dire, en tant que, tu sais, pour du roleplay au quotidien... Je vois pas l'intérêt. C'est ça, voilà. Je vois pas l'intérêt. Non, sérieux, je voyais pas l'intérêt. Et tu le vois. Et le deuxième commentaire est de Marie-Lune ou Marie-Ève Terrien, qui rappelle à tous les petits amis qu'elle affirme haut et fort que moi, Roux National, est vraiment hot en dansant du Gangnam Style sur du Gabriel des Trois Maisons. Just saying. En tout cas, moi, j'aurais tendance à contester ça, mais bon. Hey, tu sauras que je me le fais demander aux soirées karaoké du Globe. Vraiment? Oui. Ben, ça fait... Non, cet été, c'est pas arrivé encore. Moi, je confirme. Cet été, c'est pas arrivé encore. Je touche du bois, là, mais... Ouais, Pauline n'est pas là, c'est pour ça. Ben, c'est ça. Vas-y donc, enchaîne donc sur ton autre nouvelle, Andrew. Ben, Super Smash Bros. A oui. présenté trois nouveaux personnages. Oh. Et je sais pas si t'es un joueur de Smash. Non, mais je vais le devenir juste à cause de Megaman. Ça, il y a du monde qui le savent. Hein, Tester? Ben, moi c'est Pac-Man. Moi, en fait, j'ai... Pac-Man. Non, mais ça, j'étais un c'est grand... C'est une boule jaune avec une bouche. Non, mais j'étais un grand fan de Pac-Man. Pac-Man. J'adore quoi. Pac-Man. J'ai un costume de Pac-Man, by the way. Ouais, il y a un cosplay de Pac-Man. Je m'en vais d'ici. Tu chercheras les capsules, les petites capsules publicitaires que GeekFest avait sorties. Là. Il y, okay. y en a une avec Pac-Man, c'est lui qui est dedans. C'était-tu toi qui étais dans le Pac-Man au GNM? Ouais, j'ai déjà été à GNM. Ah, bon, je t'ai filmé. Ah voilà, c'était lui. Mais tu sais, la version Pac-Man World, là, vraiment là, 3D ou plat? Je pense que c'était plat. Le plat, c'est pas moi. C'est pas toi, okay, phew. Moi, c'est la version Pac-Man World, okay, là, vraiment, là. Avec les bras, les mitaines, les okay. bottes et tout. Là. La grosse, ben, comme la grosse dans Smash, dans le fond. Là. C'est okay. la version comme dans Smash, moi, que j'ai comme costume. Donc, c'est quoi les autres personnes? Oui! Ben, en fait, si vous êtes un fan de... Ben, en fait, premièrement, un ancien qui est de retour, Captain Falcon, qui est de retour pour faire des Falcon Punch dans la gueule des gens. Oh yeah! Et, ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le monde veut absolument Captain Falcon. Il a été dans rien d'autre autre que... F-Zero. F-Zero. Man, il fait Falcon Punch. Falcon Punch! Oh, en tout cas... C'est ce que ça me prend, moi. Non, effectivement. Et Falcon Kick! Ouais, et Falcon Ben's affaires, mais quoi sinon? Et aussi, pour tout fan de Fire Emblem, il y a eu deux nouveaux personnages qui ont été ajoutés, que je cherche leur nom là. Bon, il y a Lucina, qui a été rajoutée, et l'avatar incarné par le joueur, qui est le nom, je ne l'ai pas là. Mais bref... Faut le trouver, là. Ouais, ben c'est ça, je suis en train de le faire parce qu'ils ont juste écrit l'avatar que le joueur incarne. Y a-t-il moyen d'être plus précis que ça? En tout cas, c'est ce qui a été rajouté pour le prochain. Robin. D'accord, Robin ou Robin, j'imagine en anglais. Robin? Robin ben, en anglais, ouais. Voilà. D'accord, merci beaucoup, hein, M. Castellan, pour cette nouvelle. Mais bref, aussi, je voulais juste dire sur cette nouvelle-là. Il y a de plus en plus de monde qui regarde les dernières bandes-annonces que Nintendo ont faites et ils disent vraiment, Nintendo a un département d'animation, ma foi, assez impressionnant. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même un segment animé avec Palutena, là, qui est comme la déesse... de Kid Icarus. Fait qu'il y avait du monde qui disait « Wow, ça serait cool qu'il y ait un animé de Smash parce que l'animation en jette tout plein. » Ben, ils ont fait à peu près la même chose avec le dernier, avec Captain Falcon et tout ça. Puis, sérieusement, j'ai vu la bande-annonce. Puis de plus en plus, je me dis « Crime, ça aurait fuck all rapport un animé sur Smash. Ouais, mais ça serait cool pareil. On l'écouterait tout. Je l'écouterais par simple principe que ça serait tout simplement... hot. Non, c'est ça. Il y aurait ça, le gars qui fait « Bon, écris-nous un storyline pour ça. » Mais le pire dans ça, là, c'est que si tu prends ça dans un principe où tous les univers des différentes franchises est un univers, ouais, ça donne du contenu c'est pareil. C'est super simple comme concept. Tu fais juste... Il y a un trou dans tous les univers, puis il pitch dans un autre univers, puis tout le monde va pour sortir de là. C'est ça le concept. Attends, je viens de le trouver, le concept de l'anime. Ouais, surtout Luigi qui est vraiment mine. Donc voilà, mesdames et messieurs, et une dernière nouvelle pour vous avant de repartir pour une dernière pause musicale. En fait, c'est Mass Effect 4. On nous dit que BioWare lance un sondage. Donc Mass Effect 4 a pas mal fait parler de lui depuis le 3, mais après l'annonce probable d'un bon nombre d'informations pour la semaine prochaine, là, ça se promène sur Internet, bien, on apprend l'existence d'un sondage visant à mieux cerner les attentes des fans. Donc c'est Michael Gamble de BioWare qui a lancé le sondage sur Twitter précisant que l'idée était de faire en sorte que le prochain Mass Effect soit le meilleur. Donc, on demande, par exemple, quel aspect est le plus important dans l'histoire, l'exploration, le combat ou la customisation, ce qui pourrait avoir un réel impact sur le jeu final. Donc, si la série vous intéresse, c'est que vous êtes... attendez un peu, là, je suis comme mêlé dans ma nouvelle. En fait, c'est le lien. Je viens de trouver le lien pour le sondage, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, moi, mesdames et messieurs, sur la page de Puissance Maximale. Si vous êtes intéressé par cette franchise-là, bien, vous pourrez directement aller répondre au sondage sur les internets. Monsieur Castellan, on va partir pour notre dernière pause musicale. Et là, on va y aller avec deux chansons, encore une fois. Deux chansons reliées à l'univers vidéoludique. La première, c'est du groupe Starbomb avec une chanson qui s'appelle It's Dangerous to Go Alone. Je vous laisse deviner sa rapport avec quoi. Et finalement, l'autre s'appelle Dovahkiin de Dan Bull. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas mis à l'émission. Je l'aime beaucoup. Oh, j'adore cette chanson-là. On vous envoie ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Lévis! CJMD 96.9. La seule station sur la rive sud. Been on the force of good since 1986. Old school, I'm bringing you a laid-back summertime jam. Hold on a minute, Link. Hey, what's up, old man? I see that you're embarking on another epic quest. You're gonna use your ocarina to rescue the princess, but you'll need a magic weapon that'll never ever miss. It's dangerous to go alone. Take this! Oh, thanks, old man. That is really very nice. I can always count on you for help and friendly advice. Though I've never seen a sword of quite that shape or size. Oh, God, that's not a sword. It's your dick in disguise. Yes, I can lie, I have painted my shrine. Now grab your destiny, if you know what I mean. Wait a minute, Link, don't leave the cave. Where do you think you're going? This is a great chance to find the loot. Screw the match, I'm blowing. That was weird, but whatever, there is no time to lose. I got a warbrand out of Zelda in this chilled out groove. Wait, this isn't Ganon's lair, I'm a Liberty City. This place looks just like Philadelphia, but even more shit. I'm at the corner of Dead Cotton Prostitute Junction. Something in my ocarina must have gone a malfunction. I gotta fix it quickly, there is justice to do. Hold on a minute, Link. Oh man, is that you? This is a place you can't survive with just a sword in your wits. It's dangerous to go alone, take this. Well, that's really kinda dumb that you wrinkled dick again. Look, I know I wear a tunic, but I'm not into men. Don't be that way, bitch. Let me introduce you to my three best friends, Mr. Johnson and the Juice Crew. If you see the princess, tell her, well, you know you're gonna grab her. So why don't you try to come grab my infinite amount of jabber? Oh my God! I got a warp out of here, Princess Zelda awaits. I must defeat Ganondorf before it gets too late. Okay, now I really don't know where I am. Hold on a minute, Link. God damn it, old man! You're in Raccoon City. It's a zombie abyss. It's dangerous to go alone, team. No! Fuck you! Fuck you! I'm not giving you a... I'm touching your... Stop the chilled out groove! Jeez! Come in here telling me you got a wee-wee weapon... It's not cool, I'm not gonna touch it, I'm not gonna No! So is that a no on the hand job, or... Okay. Who's rapping? Overkeen. Dragons are not overkeen. I'll dice them like a knife, slicing right through an aubergine. My dragon shout flow is sweeter than a soda stream. You won't believe your eyes, I'm like an overload of dopamine. A broadsword in one hand and a magic spell in the other. I'm the last of the dragonborn, there's no other, my brother, so run for cover. If you've got scales, then I'm on your tail, and I will not fail like a free-roaming sandbox game. I'm off the rails, I walk the trail through awful gales and storms of hail till all the nails are knocked into your coffin. I'm not stopping till you're impaled and I prevailed in the name of the Nords. I pray to the Lord, you all get a taste of the blade of my sword. I'm taking on hordes of enemies, I face him with hordes of weaponry. The drain of my force, the chemistry comes into play with retorts and recipes. Alchemy mixing like a DJ, restoration restore my energy. My legacy, odyssey, elegy, prophecies written in heavenly bodies and buried with everybody that ever did bother to mess with me. Dead in them terribly, horribly, I'm a celebrity. Honestly, you're a wannabe, I'm a prodigy. The suggestion you're better than me at being a warrior? Ha! Comedy. It's a gift to me, I don't just spit flames lyrically, but literally. And the Elder Scrolls are scripts in which I've written your obituary. I am the Dragonborn, wearing a hat with badass horns. Hunt over Kino globally, you're nobody at all. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi. Le meilleur dans ce que vous faites. Eh oui, merci beaucoup, Bonhomme Carnaval, de cet encouragement. Vous êtes de retour à Puissance Maximale après It's Dangerous to Go Alone de Starbomb et Dovahkiin de Dan Bolt. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas entendu. Et je le répète, j'adore cette petite chanson d'une minute 25. Monsieur Castegan, il est temps de terminer cette émission de Puissance Maximale avec quelques nouvelles ludiques encore une fois. Vas-y donc. Ben, il faut croire que la PS4 sera une console connue pour le portage de ses jeux de PlayStation 3 parce qu'on parle ici de possible portage PS4 des jeux de Uncharted. Ah ouais? Oui, donc on parlerait en fait d'un remixage HD des titres de Uncharted, le 1, le 2 et le 3, sur une compilation sur la PS4. Tu sais, les gens disaient « Ah, pourquoi donc les compagnies veulent plus faire de rétrocompatibilité sur leur nouvelle console? » Bien, on sait pourquoi, là. Ben voilà, c'est tout. C'est, on veut revendre des jeux, tout simplement. Et quand on demande la question au niveau là, de Sony de... Pourquoi vous faites ça, Sony, de remixer vos jeux comme ça en HD sur la PS4 au lieu de faire de la rétrocompatibilité au sortir des nouveaux jeux? Ben, Sony, ça, je trouve ça vraiment boboche comme réponse. Je m'excuse, Sony, là, mais ça, je trouve, c'est vraiment trouver vos clients pour les caves. Là. Ouais, mais ils sont bons là-dedans. Ah non, non, attends, là, écoute la réponse. On fait ça pour les utilisateurs de la Wii. Ils ont boudé la PlayStation 3 ou la Xbox 360 et n'ont pas pu jouer aux excellents jeux de la dernière génération. C'est n'importe quoi. Je m'excuse, le fuck you Sony, franchement. Ouais, c'est la raison la plus... En tout cas. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il... C'est pas la citation, mais t'es, si tu fais la citation complète, là, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit, Sony? C'est que il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs de la PS4, que c'est du monde qui ont boudé la PS3. Fait qu'ils disent que puisqu'ils ont boudé la PS3, ben qu'ils ont manqué des bons jeux, ben ils font des remixages HD pour que ces gens-là puissent jouer à une version optimale du jeu qu'ils ont sur PS3. C'est n'importe quoi. Les boys, vous êtes une compagnie privée, votre but c'est de faire de l'argent, point barre. Bon. Tout le monde sait que quand t'as une Wii ou Wii U, t'as quelque chose de complémentaire comme Xbox ou PlayStation, t'enlèves pas un ou l'autre. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est clair que les gamers de salon, là, papa, maman, qui ont acheté une Wii ou une Wii U pour avoir des petits jeux tranquilles, ils font « Hey, c'est vrai. » Il n'y a pas Uncharted. C'est vrai, j'ai manqué Uncharted. Moi, PlayStation 3, maman, je vais m'acheter une PS4 pour pouvoir y jouer. Mais voyons donc. C'est vraiment ridicule. Vraiment ridicule. Mais tu sais, aussi à l'époque, il y a aussi le fait que les consoles, là, on se demandait pas « Ouais, j'espère que la prochaine console de Nintendo va être rétro-compatible parce que, tu sais, j'ai des jeux de Super NES. » Non, parce que les consoles marchent encore aujourd'hui, puis qui était fiable, Caltar. Voilà. C'est dit. Voilà, je vais me calmer. Prendre une petite gorgée d'eau, Andrew. Une autre nouvelle? Oui, ben en fait, dans 18h09, il va y avoir un nouveau Final Fantasy qui va être dévoilé. Un Final Fantasy du nom de Final Fantasy Record Keeper. Il n'y a pas de détails pour le moment, mais on s'attend tout à ce que ça soit un jeu de musique, soit une compilation de jeux rétro, soit... un jeu quelconque de Record, là. Bref, tout ça pour dire que ouais, ça s'appelle Record Keeper, là. Mais tu sais, il n'y a pas eu de détails plus qu'il faut, mais chose qui disent dans l'article, je suis tout à fait d'accord, Final Fantasy s'est rapidement transformé en poule aux œufs d'or pour Square Enix, parce que effectivement ils peuvent sortir un Final Fantasy vraiment mauvais et tout le monde va l'acheter. C'est marqué Final Fantasy en haut. Moi, j'ai arrêté au 7. Moi, j'ai arrêté au 6. Mais non, mais le 7 était bon, mais il était très laid, mais il était bon. Je vais faire, il est mal vieilli. Je vais faire un parallèle. Final Fantasy XIII. Tout le monde a été déçu avec Final Fantasy XIII. Ils ont fait, ben, du moins, pas tout le monde, là, mais une bonne partie. Et là, ils ont décidé, on va faire Final Fantasy XIII-2. Là, ils ont fait Final Fantasy XIII-2. Le monde fait, ils ont peut-être fait des changements, ils ont peut-être compté d'enfants. Ben non! C'était le même jeu, avec une histoire encore plus poche. Puis après ça, ils ont fait Final Fantasy Lightning Return, entre parenthèses, 13-3. Et là, ben le monde fait « Ah, ben là, ils n'ont pas appelé ça 13-3, ils ont dû faire des changements dans le gameplay. » Mais non! C'est le même jeu. Puis en plus, t'es en time attack, ça, je savais même pas ça. En plus, t'es timé pour passer le jeu. Depuis quand, dans Final Fantasy, t'es timé pour passer le jeu, à part quand il y a une scène où la bâtisse s'explose? Tu sais, les jeux, on est supposé relaxer puis avoir du fun. Ouais. « Hey, grouille-toi et passe le jeu. » Non, tu sais, c'est... Puis en plus, pour ajouter... Dans un Final Fantasy, on s'entend-tu que quand que tu te promènes, là, c'est le fun de grinder. C'est pas le fun, mais t'sais, ça dépend du monde. T'sais, de grinder des ennemis là, pour se monter de niveau. Pour se monter de niveau, pour pouvoir arriver au boss puis le clasher. Ben, dans Final Fantasy Lightning Return, ben, il arrête d'avoir des random encounters après un certain moment pour t'obliger d'aller plus loin dans le jeu. C'est n'importe quoi. Fait que là, mais ils ont fait comme, mais là, c'est donc ben de la merde. Mais oui, mais vous êtes cave. Ça fait 3 fois qu'ils vous sortent le même jeu avec un scénario qui devient de plus en plus poche, avec une mécanique de jeu qui change pas et qui devient en plus timé. Et vous dites, oh, mais non, ben là, prochain Final Fantasy, il va être différent. Non! Square Enix, ils rushent les jeux de Final Fantasy parce que vous êtes trop cruchons pour évaluer vos affaires et les acheter. Allez jouer à Dragon Quest, puis on va l'avoir, le jeu en ligne, là, pour faire plaisir. Oui, allez jouer à Dragon Quest, qui est encore un bon RPG aujourd'hui. Ou ressortez vos cartouches de Final Fantasy VI/3. Mettez ça dans votre Super NES et amusez-vous, pour vrai. D'ailleurs, je dis ça, j'ai ça. Il faudrait que je finisse le 2, ben, que j'ai recommencé. Le 4, ouais, le 4-2, là, que j'ai recommencé il n'y a pas si longtemps. Là, je le finisse. C'est un des meilleurs aussi. Ça. Ah, c'est tellement des bons, c'est des bons jeux. Puis les scénarios sont tellement le fun, là, sans farce. Dans le temps, tu peux représenter un scénario juste avec des sprites, puis quand même faire sortir les émotions. Tout à fait. Puis là, à cette heure, on a la belle animation HD, 3D, puis zéro open bar. En tout cas. Malheureusement, nous serons obligés de terminer cette émission sur cette note un peu triste, mais quand même, nous avons espoir pour le futur, parce qu'on joue à des vieux jeux, voilà, tout simplement. D'ailleurs, voilà, c'est la fin de l'émission Puissance Maximale. Je tiens à remercier M. Jog, alias Sylvain, qui a été là tout le long de l'émission. Merci beaucoup, Sylvain. C'est moi qui vous remercie. Puis on va sûrement se revoir dans des conventions ailleurs, sur Internet ou même ici, qui sait. Et merci beaucoup à M. Castegan, qui était là toute l'émission à dire des niaiseries et aussi des choses intéressantes. C'est pas moi qui ai dit des niaiseries, c'est sur Facebook. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Je vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur la page Facebook pour vous abonner et dire que vous nous aimez tout plein, et comme ça vous allez avoir accès à plein d'informations et aussi participer au concours. Et voici les gagnants du concours de la semaine dernière pour gagner finalement le prix de Mme Pink Vivi. C'est M. Pierre Courtemanche qui se mérite le prix, et pour les billets de La Revanche, gagne deux billets. Pour le pub La Revanche, c'est Mme Vanessa Audet qui gagne. Félicitations à vous deux. Et on vous rappelle, en terminant, de passer une excellente semaine de jeu. Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day.